Bonjour à vous et bienvenue dans ce 16e épisode de Plus URSS. Encore une fois, ce sera une conférence débat même pourrait-on dire, qui aura pour thématique pour la fin du capitalisme. Elle est animée par Jean-Marie Haribet, économiste français et maître de conférences honoraire, il était ancien professeur, à l'université Bordeaux 4. Il a aussi co-présidé l'association ATTAC de 2006 à 2009, ATTAC qui signifie Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Il en est maintenant le président pour le conseil scientifique. La captation et la conférence ont eu lieu le vendredi 17 janvier 2020 à l'université Champollion d'Albi et c'est toujours l'association Jaurès Espace Tarn. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute et je vous laisse donc maintenant avec la conférence. USSR. Alors ce soir, nous avons invité Jean-Marie Haribet. Jean-Marie Haribet, c'est l'économiste que vous connaissez depuis très longtemps, puisque au début de l'acte, ça a été un des premiers conférenciers qui a aidé à la connaissance de l'économie, puisqu'il est professeur d'économie. Il est co-président du conseil scientifique d'ATTAC, il a été président de l'ATTAC ATTAC France. Et donc il va, le titre est au tableau, à l'écran, pour la fin du capitalisme, voilà, il est parti. En crise, il y avait des points de suspension. Alors, je pense qu'il y aurait quelque chose entre les points de suspension et vous expliquer si la crise du capitalisme est une crise durable, pas durable, et si vraiment il va y avoir un effondrement du capitalisme. Voilà. Bon, mais je vous souhaite une bonne soirée. À tout à l'heure pour le débat. Je donne la parole à Jean-Marc. Précisément de combien de temps on dispose? Tu disposes entre 45 et 55 minutes. Et pour la soirée? Et pour la soirée, on finit normalement à 10h30, à 22h30. Donc on a 2 heures, c'est ça? Oui, 2 heures. Ouais. Bonsoir à vous tous. Merci pour votre invitation. Alors, j'avoue que je ne me souviens plus du tout qui c'est qui a donné ce titre à la soirée. Si c'est Jacques ou si c'est moi, ça remonte à tellement longtemps que je me demande si je n'ai pas été un peu téméraire. Il me dit que c'est moi qui ai donné ce titre, mais bon, j'en suis pas sûr et c'est peut-être lui. Bon, enfin bref, en tout cas... C'est toi parce que je m'étais interrogé s'il y a un point d'interrogation, après où est-ce qu'il n'y en a pas. Alors, comme je ne m'en souvenais plus, j'ai mis 3 points de suspension. Donc, effectivement, les 3 points de suspension peuvent être interprétés comme un point d'interrogation. En tout cas, pour signifier qu'il y a matière à discussion, bien sûr. Alors, quelle est l'idée? Bon, l'idée, effectivement, Jacques vient de le dire, le capitalisme traverse une crise d'une ampleur jamais connue, de mon point de vue, parce que pour la première fois dans l'histoire, elle allie 2 séries de contradictions totalement nouvelles dans leur simultanéité, une crise d'origine sociale et une crise d'origine écologique, et la simultanéité de ces 2 types de contradictions fait que nous traversons effectivement une crise de type structurel, c'est-à-dire qui n'est pas simplement un petit truc passager comme une grippe hivernale, mais qui met en cause les fondements même du système économique. Et la gravité de la situation est telle que même les économistes proches des classes dominantes, les économistes qui vous disent tous les jours qu'il faut réformer les retraites, par exemple, vous en avez entendu parler, eh bien, tous même commencent à s'inquiéter, se demandent si, effectivement, il n'y a pas quelque chose qui ne tourne pas très rond dans le système capitaliste devenu mondial, vous le savez maintenant. Bon. Alors, bien sûr, je ne vais pas... redécouvrir le fil à couper le beurre, et je vais m'inspirer aussi de travaux collectifs que nous avons menés les uns et les autres depuis un certain nombre d'années et qu'on a synthétisé dans un livre d'ATTAC qui est paru maintenant il y a 1 an et demi, dont vous voyez l'image au tableau. J'en ai amené 2 exemplaires parce qu'il m'en restait quelques-uns si ça vous intéresse. Alors, quels sont les signes les plus réels, objectifs et qui ne sont plus contestés par personne aujourd'hui de cette crise? Je vais vous montrer celui qui, pour moi, est le plus significatif et le plus inquiétant pour les classes dominantes aujourd'hui dans le monde et qui va expliquer l'acharnement, l'obstination à vouloir réformer tous les systèmes sociaux dans le sens de la dégradation, bien sûr. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Vous voyez là un graphique à l'écran qui montre l'évolution depuis le début des années 50 de la progression de la productivité du travail. Pourquoi s'intéresser à la progression de la productivité du travail ? Eh bien parce que c'est le travail qui est à l'origine de toute la richesse produite et qui est celle dont s'approprie, pour une partie en tout cas, le capital. Et donc cette richesse engendrée par le travail augmente toujours, certes, mais à un rythme qui est de plus en plus faible. Et donc, et cela depuis maintenant, disons une bonne douzaine, bonne quinzaine d'années, puisque vous voyez que, quelle que soit la région du monde que l'on observe, alors vous avez, je vais mettre mes lunettes pour ne pas vous tromper sur les couleurs, donc vous avez par exemple la courbe, voilà, la courbe bleue qui donne l'évolution mondiale, la courbe rouge qui montre l'évolution des pays émergents, qu'on appelle les ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, c'est-à-dire grosso modo les grandes locomotives que sont devenues la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Donc, pays dits émergents. Et puis, en rouge, c'est la courbe qui concerne les États-Unis. Et en vert, c'est l'ensemble des autres économies du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous voyez, la tendance générale, donc depuis le début des années 2000 à peu près, c'est au ralentissement des gains de productivité. J'attire votre attention sur un point qui est une petite astuce mathématique en quelque sorte, mais dont il ne faut pas s'effrayer. Il ne s'agit pas de la baisse de la productivité. La productivité continue d'augmenter, mais à un rythme de plus en plus faible. Et donc le graphique porte sur la croissance de la productivité, l'augmentation de la productivité. Donc il y a un ralentissement, c'est comme quand vous levez le pied de l'accélérateur de votre voiture, la voiture ne recule pas, elle continue d'avancer, mais de plus en plus lentement. C'est le cas ici, la productivité du travail continue d'augmenter, mais à un rythme de plus en plus faible. Et il n'y a plus d'exception dans le monde. Pendant un temps, les pays dits émergents, notamment la Chine, tiraient la croissance de la productivité du travail moyenne dans le monde vers le haut. Ce n'est plus le cas, partout, ça commence à décliner. Et alors, quelle est la gravité de la situation pour les classes dominantes ? Eh bien, comme le travail est à la source de l'accumulation du capital, est à la source de l'enrichissement, eh bien, c'est qu'il y a un risque pour la rentabilité du capital. Et cette rentabilité du capital, qui, là aussi, maintenant, s'est confirmée par tous les organismes statistiques du monde, et pas les organismes statistiques contestataires, et vous en doutez bien, mais les organismes les plus officiels, donc la rentabilité du capital naît aujourd'hui affermi que parce qu'il y a une dégradation de la condition du travail. Et donc là, sur le graphique suivant, vous voyez la superposition de deux courbes. Celle que je viens de vous montrer, que je vous montre ici, et qui figure en gris un peu plus clair que la courbe noire, où on voit la courbe noire, c'est la rentabilité du capital, le taux de profit, qui malgré le ralentissement de la productivité, augmente. Et comment c'est possible ? Il semblerait qu'il y ait un miracle. Eh bien, c'est ce qui caractérise l'époque que nous vivons. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'époque du néolibéralisme, du capitalisme néolibéral, c'est celui au cours, c'est celle, la période, au cours de laquelle, bien que la productivité du travail ait ralenti, en termes de progression, La rentabilité du capital, en tout cas jusqu'à ces dernières années, s'est accrue. Pourquoi diable ? Eh bien parce qu'il y a eu une telle distorsion de la part qui est allée au travail par rapport à celle qui va au capital, que malgré la baisse de la rentabilité, malgré la baisse de la progression de la productivité du travail, la rentabilité du capital s'est accrue. Et c'est ça qui a laissé l'illusion aux classes dominantes que le système pourrait durer éternellement. Mais le fait qu'il y ait cette distorsion entre la progression de la productivité du travail et la rentabilité du capital, le fait qu'il y ait cette distorsion n'a pas pu être durablement maintenue. Et donc il y a un moment où il y a un clash qui se produit. Et les clashs, c'est la crise de 2007, 2008, 2009, et le, qui a été temporairement ralenti ou amoindri ou atténué, mais les sources de la future crise sont toujours là. Sont toujours là, et cet écart qu'il y a entre la productivité et la rentabilité du capital ne peut pas être durable. Et surtout, si dans le même temps, c'est la deuxième série de contradictions que le système a, se trouve devant lui, c'est celle qui porte sur la question écologique. Là, vous avez aussi un graphique qui montre que malgré la progression technique, l'amélioration de nos moteurs, l'amélioration de tous les processus de production, amélioration qui permettrait d'économiser des ressources, d'économiser l'énergie ou d'envoyer dans l'atmosphère un peu moins de gaz à effet de serre, eh bien ça ne marche pas non plus, parce que malgré cette efficacité technique de plus en plus grande, il y a ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des moteurs moins polluants qu'autrefois, comme il y a plus de bagnoles, comme elles font plus de kilomètres et comme elles sont toutes plus grosses, on en parlait là tout à l'heure en se garant, effectivement, les places de parking doivent s'élargir parce que les bagnoles sont de plus en plus grandes, et bien malgré les améliorations techniques, il y a un effet rebond et on envoie de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on consomme de plus en plus d'énergie fossile, etc., etc. Et donc cette distorsion que vous voyez sur le graphique, donc en pointillé ici, c'est GDP, c'est le sigle anglais pour PIB, c'est-à-dire la production que l'on emmagasine chaque année, la progression du produit intérieur brut. Ici, vous avez la progression des émissions de CO2. Alors certes, si vous faites le rapport du CO2 sur le PIB, ça diminue. Donc il y a une déconnexion relative entre les émissions de CO2 et la production, mais ce n'est pas une déconnexion absolue. On continue d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, d'où le réchauffement climatique qui nous pend au nez de manière quasiment inéluctable aujourd'hui. Ça, c'est le contexte. C'est le contexte qui va permettre de comprendre pourquoi toutes les dégradations sociales aujourd'hui et pourquoi l'impossibilité, ou en tout cas l'extrême difficulté, à amorcer une transition écologique véritable. Et la soirée ne porte pas directement sur ce thème, mais vous doutez bien qu'on ne peut pas parler de l'évolution de notre système économique et social sans dire quelques mots de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et qui est marqué par cette profonde lutte sociale contre la réforme du gouvernement. Parce que ce que je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer toute la soirée des graphiques, mais là j'avais 3 ou 4 au début comme ça, pour introduire la chose, je vais vous montrer un graphique qui vient du Conseil d'orientation des retraites, dont les experts ont emmagasiné tout ce que je viens de vous dire, sachant que comme la productivité du travail augmente de plus en plus faiblement, eh bien, c'est ça qui va dresser le contexte dans lequel les scénarios de réforme des retraites vont être élaborés. Voici le graphique qu'a élaboré le Conseil d'orientation des retraites. Donc, en axe vertical, ici, vous avez les scénarios de progression de la productivité du travail en moyenne annuelle. Donc, vous avez un scénario à 1% de productivité du travail par an, vous en avez un autre à 1,3%, un autre à 1,5% et un dernier à 1,8% de progression de la productivité du travail. Vous voyez que ces 4 scénarios sont des scénarios où la progression de la productivité du travail est relativement faible. Après-guerre, jusqu'aux années 70-80, on avait des progressions de la productivité du travail qui n'étaient jamais inférieures à 5 ou 6% par an, en moyenne. Maintenant, c'est entre 1 et 1,5%, pas plus. Donc ça, c'est le contexte dont les experts du Conseil d'orientation des retraites ont bien conscience. Et donc, ils ont calculé... quelle serait la part des pensions en fonction de ces différents scénarios de croissance de la productivité du travail. Et alors on s'aperçoit que lorsque la croissance économique qui résulte de la production de la productivité du travail, lorsque la croissance économique est faible, voire très faible, 1% de plus par an en moyenne, eh bien la part des pensions a tendance à augmenter dans le produit intérieur brut, dans la richesse produite. Et au contraire, plus la progression de la productivité du travail est forte, mais bon, sans aller jusqu'à des taux extrêmement élevés, à 8% par an, c'est pas beaucoup plus qu'1%. Mais on voit là que la part des pensions dans le PIB a tendance à diminuer dans le long terme. Alors, c'est ce que voudrait avoir comme scénario le gouvernement actuel, c'est-à-dire faire baisser la part des pensions dans la richesse totale, de la même façon qu'ils veulent à tout prix baisser la part des dépenses publiques. Vous l'entendez tous les matins à la radio, hein. Même sur les radios publiques, on entend ça tous les matins comme un petit refrain. Il faut baisser les dépenses publiques et sociales. Eh bien, comme les retraites sont la plus grande part des dépenses publiques et sociales, hein, ça fait 325 milliards d'euros par an, hein, les retraites, rien que les retraites. La santé, c'est un petit peu moins, pas tout à fait 300. En tout, 600 milliards de protection sociale. 600 milliards d'euros de protection sociale dans notre pays. Et donc, le Conseil d'orientation des retraites a calculé que plus la croissance économique est forte, plus il y a une part des pensions faible dans le PIB. Mais, c'est ça le truc, c'est ça le paradoxe, on a peu de chance entre guillemets, d'avoir une croissance économique forte. Donc, que faut-il faire quand on a dans la tête qu'il faut, baisser les dépenses publiques et sociales? Et quand on sait qu'on n'aura pas une croissance économique forte, et quand on sait donc qu'on aura plutôt une croissance économique au maximum proche de 1% que de 1,5%, 2%, voire et plus, eh bien, il faut chambouler notre système de retraite, qui ne garantit plus, pour les classes dominantes, notre système de retraite ne garantit plus qu'elles baisseront dans le PIB. On parle de PIB. Et c'est pour ça qu'ils mènent tambour battant cette réforme des retraites qu'ils veulent à tout prix imposer, parce que c'est le seul moyen pour eux de baisser leur part des retraites dans la richesse totale, dans le contexte de croissance économique faible. Est-ce que c'est clair, ça? Ça va? Si c'est pas clair, je recommence, parce que c'est le point clé. Sinon, on ne comprend pas l'acharnement, l'obstination du Premier ministre et du Président de la République à vouloir à tout prix nous faire un système de retraite qui baissera les pensions, et dans des proportions astronomiques. C'est-à-dire que le fait de prendre en compte l'ensemble de la carrière, depuis le début jusqu'à la fin, au lieu des 6 derniers mois pour les fonctionnaires ou des 25 meilleures années dans le secteur privé, au lieu de prendre ça, cette plage réduite qui exclut la plupart, en tout cas pour les salaires du privé, qui excluent les périodes de chômage, les périodes de précarité, de temps partiel, subi, etc. Et au contraire, en les incluant, on est sûr que les pensions vont diminuer. Le Conseil d'orientation des retraites l'a calculé, ça fera entre 20 et 25% de moins de pensions en moyenne. Et donc, pourquoi une telle obstination? Est-ce qu'ils sont méchants par nature? Non, c'est qu'ils ont comme objectif politique et stratégique à long terme de baisser la part des dépenses publiques et sociales. Et d'où cette chose qui a surpris tout le monde, c'est que le PIB va continuer légèrement à augmenter d'ici 20, 30 ou 40 ans, mais ils ont décidé, vous voyez la courbe jaune, ils ont décidé que la part des pensions ne dépasserait plus jamais 13,8%, c'est-à-dire la part qu'elle occupe actuellement, 13,8%, un petit peu moins de 14%, dans le PIB, le produit intérieur brut. Mais dans le même temps, le nombre de retraités va augmenter, ce qui veut dire que relativement, la part du gâteau qui va revenir à chacun sera plus faible. Voilà. Donc c'est ça qui permet de comprendre cette, je répète pour la troisième fois, cette obstination, cet entêtement à vouloir réformer à tout prix les retraites, non plus simplement en modifiant la durée de cotisation, en reculant l'âge de la retraite, bien qu'ils vont le faire quand même, mais plus simplement comme cela, ils vont entreprendre une réforme qui va chambouler complètement le système pour pouvoir prendre en compte, dès le premier jour, l'ensemble de la carrière. Et ce qui fait que la promesse de M. Macron, pendant sa campagne électorale il y a 2 ans, qu'un euro de cotisation procurerait le même droit à tous, est impossible. C'est impossible, c'est même pas simplement un mensonge, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à 60 ans, l'espérance de vie n'est plus la même pour tous les individus, en fonction des catégories socioprofessionnelles, en fonction des métiers accomplis, parce que la pénibilité du travail n'est pas la même entre l'ouvrier du bâtiment et puis un cadre supérieur qui passe son temps en réunion. Et donc, quand vous arrivez à 60 ans ou 65 ans, l'espérance de vie, et pire, l'espérance de vie sans incapacité, en bonne santé, donc pour le dire simplement, n'est plus du tout la même entre les individus. Et donc, cette promesse que 1 euro de cotisation procurera le même droit, n'est pas possible de la tenir. C'est impossible. Même s'ils le voulaient, s'ils étaient animés des meilleures intentions, ils ne pourraient pas la tenir. Et d'où le débat qu'il y a sur la prise en compte ou pas de la pénibilité dans la vie et le fait qu'il pourrait y avoir des fameux régimes spéciaux, c'est-à-dire des attendus particuliers, des considérations particulières pour ceux qui, effectivement, n'ont pas effectué les mêmes travaux au cours de leurs 40 ou 42 ou 45 années de travail. Voilà un peu le contexte dans lequel, eh bien, j'avais écrit à Jacques ce petit résumé dont j'ai presque honte tellement il est ambitieux, mais bon, donc je ne renie pas, bien sûr, puisque non seulement il me dit que c'est moi qui ai trouvé le titre, qui a posé le titre, mais en plus c'est moi qui ai écrit les quelques lignes que je lui avais envoyées, que je remets là au tableau, enfin à l'écran, et qui va un peu servir de canevas, si vous voulez, pour ce que je vais vous raconter ensuite. Raconter ensuite que j'ai extrait finalement du livre qui va paraître dans 15 jours, 3 semaines, je n'ai pas pu en amener, il n'est pas sorti encore, qui s'appellera Le trou noir du capitalisme, qui va paraître dans quelques semaines, début février. Pourquoi trou noir ? Vous savez ce qu'ont montré les astrophysiciens. Ils ont prouvé maintenant qu'il existait des trous noirs, c'est-à-dire des astres dans notre corps céleste et qui ont un champ gravitationnel tellement important qu'ils aspirent tout. Ils aspirent tout et il n'y a même pas... ils aspirent même la lumière et il n'y a aucun rayonnement lumineux qui peut nous parvenir d'eux. Et donc c'est pour ça qu'ils les ont appelés des trous noirs. Eh bien, le capitalisme est un trou noir parce qu'il a vocation à tout aspirer. Tout doit devenir marchandise et surtout aujourd'hui, compte tenu de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de la faiblesse des gains de productivité du travail, il a vocation à vouloir aspirer ce qui jusqu'ici lui a échappé. La santé lui a échappé en grande partie et surtout dans nos pays, paf, il faut que ça soit rabougri en termes de services publics. L'éducation lui a échappé, paf, on va mettre en difficulté l'éducation nationale. Les retraites lui ont échappé à 99%. En France, les retraites jusqu'ici ont échappé au capital. Paf, allez, on ouvre la porte à la capitalisation parce que la loi Pacte qui a été votée au Parlement au printemps dernier prévoit le développement de l'épargne retraite. J'allais dire au populaire, tu parles Charles, l'épargne retraite, et donc vous avez compris que le taux de cotisation sera appliqué à 28,1% sera appliqué jusqu'au salaire environ de 10 000 euros par mois, il n'y a pas beaucoup de salariés qui gagnent 2 000 euros par mois, et au-dessus, le taux de cotisation tombera à 2,8%, ce qui permettra au cadre très haut, très supérieur, d'avoir une épargne supplémentaire qu'ils pourront placer effectivement dans des fonds de pension. Mais les fonds de pension ne produisent rien. Le capital est stérile par définition. Seul le travail produit de la valeur économique. Le capital est stérile. Vous mettez de l'argent ici sur cette belle tribune, vous fermez l'amphithéâtre, vous revenez 6 mois après, au mieux l'argent est toujours là. Mais comme il y a eu un peu d'érosion monétaire, il est dévalué. Vous laissez cette machine pendant 6 mois sur la table, vous fermez l'amphi à double tour, vous revenez 6 mois après, la machine est obsolète, rien n'a été produit. Alors, ce que je dis de la machine est vrai en plus, a fortiori pour le capital purement financier qui voyage à la vitesse de la lumière entre les marchés financiers. Donc, ce que je vais dire là, pour avant de vous laisser la parole tout à l'heure, ce que je vais dire, donc je l'ai un peu synthétisé dans ce livre qui va paraître, là, Le trou noir du capitalisme, qui a vocation donc à tout marchandiser et confirmant avec une précision quasiment millimétrique, confirmant ce qu'avait anticipé Marx il y a un siècle et demi. Quand on relit Marx aujourd'hui à la lumière de ce qui se passe, on se dit, mais bon sang, comment ce type a pu décrire un siècle et demi à l'avance ce qui exactement se passe aujourd'hui, alors que ce qu'il écrivait il y a un siècle et demi était une description un peu approximative de ce qu'il voit, il avait sous les yeux. Mais les concepts qu'il avait élaborés permettent aujourd'hui de décrypter, je crois, ce qui se passe de nos jours. Et j'ai proposé dans le petit résumé que j'avais envoyé à Jacques, que je vous ai remis à l'écran il y a un instant, d'explorer quelques pistes qui pourraient borner la dynamique du capitalisme, alors pas sortir bien sûr d'un coup de baguette magique en claquant dans les doigts du jour au lendemain, mais borner cette dynamique d'aspiration dans son trou noir en utilisant une intuition assez géniale de cet anthropologue hongrois qui s'appelait Karl Polanyi, qui dans l'entre-deux-guerres avait dit, et alors je vous ai mis sa citation intégrale à l'écran, qui avait dit que si la terre, le travail et la monnaie devenaient des marchandises, ça en serait fini de la société. La marchandisation de la terre, c'est-à-dire, on peut le dire aujourd'hui, des ressources naturelles, la marchandisation du travail, c'est-à-dire faire du travail, non pas quelque chose qui a trait à l'humanité, mais simplement une machine à produire du profit, si le travail était devenu une marchandise, et si la monnaie elle-même était privatisée au point de devenir une vraie marchandise, alors c'était la mort de la société. Et donc j'ai repris cette formule un peu ramassée dans une phrase que vous avez à l'écran, j'ai repris cette formule pour dessiner trois pistes qui pourraient servir d'amorçage, du bornage de la sphère capitaliste au profit d'une valorisation de ce qui serait de l'ordre du non-marchand. Alors, ces trois pistes, c'est réhabiliter le travail, donc faire en sorte qu'il cesse d'aller dans cette dynamique qui le conduit à n'être qu'une marchandise comme les autres, instituer les biens communs et socialiser véritablement la monnaie. Donc je vais développer un petit peu ces trois points. Réhabiliter le travail. D'abord, c'est partir du constat, ça c'est le dernier graphique que je vous montrerai. La part du travail dans la richesse produite a eu tendance ces dernières décennies à diminuer partout dans le monde. Donc là vous voyez une trajectoire de la part des salaires dans la richesse produite en pourcentage depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu une légère progression de cette part jusqu'aux années 70-80 et qui tenait au développement de la salarisation de la population active. Et la population active est devenue salariée à très grande majorité à ce moment-là, puisqu'aujourd'hui 90% de la population active est salariée. Et aux alentours de la décennie 80 pour notre pays, dans les autres pays ça a été un petit peu avant, un petit peu après, peu importe, il y a eu une chute brutale de cette part des salaires dans la richesse produite. Aujourd'hui elle est à peu près stabilisée, mais elle est stabilisée à un niveau historiquement bas, historiquement très bas. Lorsque, je me souviens, lorsqu'on a bataillé il y a maintenant 20-25 ans contre la première réforme des retraites après celle de Balladur en 1993, quand on montrait ce type de graphique, alors qu'il y allait moins, puisqu'à l'époque on n'avait pas jusqu'en 2018, on nous disait à TAC, à Copernic, dans les syndicats qui montraient aussi ce type de graphique, on disait mais non, vous vous trompez, c'est de la blague, la part des salaires ne diminue pas. Aujourd'hui, elle est reconnue partout, l'Organisation internationale du travail le reconnaît, le Fonds monétaire international le reconnaît, toutes les institutions qui font le cœur de la statistique mondiale le reconnaissent. Le graphique suivant, c'est le dernier vraiment, hein. Le graphique suivant vous montre 4 exemples de pays soit développées, soit émergentes, où la part des salaires a diminué très fortement au cours de ces mêmes années. Et donc ça, c'est le point de départ de la réflexion. Donc, il faut mettre un coup d'arrêt à cette dégradation, parce que si cette dégradation perdure, eh bien, vous aurez de plus en plus de difficultés à payer les retraites, à payer les services éducatifs, les soins dans les hôpitaux, etc. etc. Bon. D'où l'idée que j'énonce ainsi, donc réhabiliter le travail pour lui donner du sens. Sur deux plans, sur le plan philosophique, on peut le dire, n'ayons pas peur du mot, sur le plan de la philosophie politique, il faut réaffirmer que le travail reste central dans nos sociétés. Et nous avons eu au cours des dernières décennies une avalanche de discours sur la perte de la centralité du travail. Mais non, le travail, bon, c'est fini, ou bien ça n'a plus autant d'importance dans la vie des individus. Ben si, le travail reste, ce n'est plus le seul lieu de socialisation, mais ça reste le lieu de socialisation essentiel, ou en tout cas un des lieux de socialisation essentiels dans la vie des individus et des sociétés. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est l'enseignement de l'économie politique et de Marx. Seul le travail produit de la valeur économique, bon, c'est déjà quand même assez important pour te rappeler ça. Et, comme le disait Marx aussi, le travail est producteur de soi. C'est-à-dire que c'est par le travail l'individu se construit et qu'il construit le lien social. Ça, c'est le sociologue Durkheim qui l'avait aussi repéré à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Mais tout en sachant, et Marx n'était pas fou, il avait bien vu que le travail était constructeur de soi, l'homme produit ses conditions d'existence, mais il se produit lui-même, comme il disait, mais en même temps, le travail est aliénant. Et donc, c'est cette contradiction qu'effectivement, dans laquelle nous sommes plongés par le système capitaliste. Et si on veut justement redonner du sens au travail, alors là, on dessine une piste qui permet aussi de prendre en compte l'autre question dont je vous ai parlé en introduction, à savoir la question écologique. Si on redonne du sens, si on réfléchit de nouveau aux finalités du travail, alors ça veut dire qu'on va commencer à se demander, mais est-ce qu'il faut vraiment travailler toujours plus longtemps dans la vie pour produire de plus en plus, consommer de plus en plus? Est-ce que c'est le sens du progrès auquel il faut donner dans l'avenir? Bon, réhabiliter le travail, ça veut dire aussi dessiner des stratégies politiques qui redonnent des formes décentes au travail. Alors vous savez que les conditions de travail partout se sont dégradées, dans notre pays et ailleurs c'est la même chose, en termes de conditions matérielles du travail, mais en termes aussi de conditions psychologiques du travail, puisque vous savez que le stress, le burn-out augmente considérablement les entreprises. Vous avez vu, vous avez sans doute entendu parler du procès devant lequel France Télécom, les anciens dirigeants de France Télécom ont été traduits parce qu'ils avaient poussé, mais poussé de manière délibérée et explicite, un certain nombre de salariés au suicide. Bon, donc là, maintenant, toutes les études, tous les travaux montrent que la peine au travail s'est accrue, alors que la sophistication des machines, de plus en plus perfectionnées, devaient nous faciliter le travail. En fait, l'asservissement à la machine a connu de nouvelles formes aujourd'hui qu'il y a un siècle, mais cet asservissement n'a pas disparu. Et donc, la première idée qui dessinerait une nouvelle stratégie, c'est d'abord renforcer le pouvoir des travailleurs en entreprise, c'est-à-dire finalement qu'ils aient le droit de contrôle sur leurs conditions de travail et sur les finalités de l'activité économique. Quel type d'investissement faut-il faire? Quel type de production faut-il faire? Et là, vous voyez qu'on rejoint l'autre question, qui n'est plus simplement sociale, mais qui est d'ordre environnemental, vraiment en faire une affaire de société. Bon, je pense que vous êtes au courant des multiples dégradations du droit du travail qui sont intervenues ces dernières années. On a eu la loi El Khomri sous le quinquennat de M. Hollande. On a eu les ordonnances Pénicaud sous le quinquennat de M. Macron dès le début de son mandat. Et donc la dégradation du droit du travail, le détricotage du code du travail va de pair avec le détricotage des services publics. Bon, les hôpitaux souffrent de plus en plus, on le voit, on l'entend, les soignants le disent, ils le crient chaque jour. Dans les écoles, les collèges et les lycées, c'est la même chose. Et les collègues qui sont à l'université, ils passent au moins la moitié de leur temps à courir après les contrats partenariats privé-public pour pouvoir avoir un peu d'argent pour la recherche. Et pendant ce temps, ils ne font pas de recherche quand ils courent après les contrats. Bon. Donc il y a une dégradation des droits sociaux, des droits du travail, auxquels il faut effectivement mettre un terme. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur les retraites, bien sûr, fait partie de cette nouvelle dynamique. Je pense aussi que la réduction du temps de travail à laquelle les néolibéraux ont mis un terme il y a maintenant quelques années, doit être reprise. Et je pense vraiment que la réduction du temps de travail a été la première bataille ouvrière au XIXe siècle et elle restera la bataille du XXIe siècle. Et là aussi, quand on pose la question du temps de travail, on allie les deux questions sociales et écologiques, ce que je vous disais à l'instant. C'est-à-dire que si on dit on n'est pas voué à travailler toujours plus dans la vie, parce que si le progrès peut avoir un sens encore dans nos sociétés, ça veut dire que s'il y a une amélioration des connaissances, des techniques, etc., il faut que ça soit mis au service d'autre chose que poursuivre une croissance économique sans fin, alors que la croissance économique sans fin est impossible sur une planète limitée, bornée. Bon, la stratégie politique qui accompagnerait cette réhabilitation du travail, c'est également la réduction drastique des inégalités. Maintenant, ce n'est plus un secret pour personne, les inégalités augmentent partout dans le monde. Et donc on dispose maintenant de tout un tas d'études, que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs. Bon, il y a les travaux très connus en France de Piketty, mais ces travaux sont confirmés par d'autres travaux aux États-Unis, venant de plusieurs sources, donc ça ne fait même plus discussion. La Banque mondiale le reconnaît, le Fonds monétaire international le reconnaît, l'Organisation de coopération et de développement économique le reconnaît, etc. etc. Il n'y a même plus de discussion là-dessus. C'est comme le réchauffement climatique. Il n'y a plus de discussion sur la réalité du réchauffement climatique. L'augmentation des inégalités ne fait plus discussion non plus. Le problème, c'est que fait encore en discussion la manière d'y mettre un terme. Eh bien, moi, je vais vous donner un moyen. Sinon, je me ferai attraper tout à l'heure si je n'ai pas donné une seule recette. Je reviens à la question des retraites. Vous savez que le gouvernement a dit, répétant ce que dit M. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, j'ai mis un certain temps à prendre son nom avec la particule. Le gouvernement a décidé que le taux de cotisation n'augmenterait pas, je vous en parlais tout à l'heure, et donc que les cotisations n'augmenteraient pas pour accompagner le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de retraités. Pour deux raisons, dit-il, le gouvernement. D'abord parce que ça diminuerait le pouvoir d'achat des salariés si on augmentait les cotisations, puisque le salaire net serait diminué, et puis ça pèserait sur le coût du travail, et donc la compétitivité, et donc l'emploi. Soit, mais la solution est tellement simple qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé. Mais il faut élargir l'assiette des cotisations. Il faut élargir l'assiette des cotisations sociales. Donc là, vous voyez au tableau, j'ai pris les derniers chiffres de l'INSEE connus. Donc si on regarde la masse salariale des sociétés financières et non financières, c'est-à-dire les entreprises privées, en actualisant les chiffres en 2020, il y a un peu moins de 900 milliards d'euros par an de masse salariale. À l'intérieur de cette masse salariale, il y a 670 milliards représentant ce qu'on appelle les salaires bruts, c'est-à-dire les salaires nets plus les cotisations sociales dites salariales, la différence étant les cotisations sociales dites patronales. Si vous faites la différence, pardon, si vous mettez en dessous, la différence va venir après, si vous mettez dessous ce qu'on appelle en langage comptable l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire grosso modo le profit brut, pourquoi brut? Parce que si on enlève l'amortissement, c'est-à-dire la consommation de capital qu'on a usé, consommation de capital fixe, c'est-à-dire les machines, les bâtiments, etc., il y a lui reste l'excédent net d'exploitation qui en 2020 le chiffre sera aux alentours de 270 milliards d'euros, 271 d'après le calcul calcul exact. Et aujourd'hui, ces 271 milliards d'euros d'excédent d'exploitation, c'est-à-dire le profit net, hein, une fois qu'on a sorti les amortissements du capital déjà installés, il n'y a pas de cotisation sur cette partie de la valeur ajoutée. Il n'y a pas de cotisation. Alors une partie de cet excédent net est investie, pas tout, puisque vous savez qu'il y a une partie non négligeable qui est distribuée en dividendes et en rémunération des emprunts, des intérêts, etc. Et donc si on fait le calcul, la différence entre les dividendes versés, l'excédent d'exploitation et ce qui va à l'investissement, on atteint une somme de 91 milliards d'euros, environ, donc 90, on va arrondir si vous voulez, 90 milliards d'euros, parmi lesquels, je ne l'ai pas mis là, mais je vous le dis oralement, parmi lesquels il y en a 60 par les seules entreprises du CAC 40, c'est-à-dire qui regroupent les 40 plus grandes sociétés ayant pignon sur rue en France. Donc 90 milliards en tout de dividendes et rémunérations du capital diverses, dont 60 par les entreprises du CAC 40. Sur ces 91 milliards, on pourrait très bien appliquer le taux de cotisation vieillesse si on veut financer en supplément les retraites par rapport aux cotisations sociales déjà versées. Et donc si j'applique le taux de cotisation promis par le gouvernement à ces 91 milliards de profits distribués, ben ça fait 25,6 milliards, donc ne sont jamais pris pour contribuer au financement des retraites, puisque la seule cotisation vieillesse de 28% sera appliquée, si la réforme est mise en place, sera appliquée au salaire brut, et non pas à une partie plus complète de l'ensemble de ce qu'on a produit, qu'on appelle en économie la valeur ajoutée. Ici, mesurée nette, parce qu'on a sorti l'amortissement du capital, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc, on peut très bien financer des retraites, et les 25 milliards que j'affiche, c'est bien supérieur au pronostic qu'a calculé le Conseil d'orientation des retraites, puisqu'au maximum, on aurait 17 milliards de déficit en 2025. La fourchette est de 7,9 à 17 milliards. Donc, je prends le maximum. Au maximum, on aurait un déficit de 17 milliards, mais on se prive d'une masse de ressources qui pourraient alimenter les caisses de vieillesse dans notre pays. Donc, ce qui veut dire que la réhabilitation du travail n'est pas hors de portée de main. Alors, bien sûr, elle se heurte au forcing, au blocage du patronat, à la volonté du gouvernement de faire chorus avec le patronat, mais il n'y a rien d'impossible pour financer une vie décente aux seniors. Ça, c'est le premier aspect, la première piste que j'ai esquissée, donc réhabiliter le travail. La deuxième piste porte sur l'institution des biens communs. Qu'est-ce que ça veut dire instituer les biens communs ? Donc là aussi, ça peut se décliner en un principe philosophique et un principe de stratégie politique. Les biens naturels, l'eau, les ressources fossiles, la biodiversité, le climat même, etc. Tout ce qui relève des biens, des éléments naturels, ne sont pas naturellement des biens communs. L'eau est un bien naturel, mais il n'est pas naturellement un bien commun. Il le devient par décision sociale, par décision politique. Donc, c'est ça que veut dire le mot institution. Instituer les biens naturels en tant que bien commun relève d'une décision politique, d'une décision anthropologique. Mais l'eau est un élément naturel, mais il n'est pas naturellement bien collectif, bien commun. Les adjectifs peuvent être multiples, mais c'est un peu le même sens, même si, quand on va dans le détail, c'est un petit peu peut-être différent. Mais, pour l'instant, ça suffit, approximativement, on peut les considérer comme synonymes, ces adjectifs. L'eau, ou bien on fait de cet élément naturel un bien qui peut être marchandisé, ou bien on en fait un bien commun. Et ça, c'est dans la situation actuelle où l'eau va devenir une denrée rare dans le monde, parce que l'eau, vous le savez, est en quantité limitée dans le monde. Soit l'eau est sous forme solide, la glace, coquise, soit sous forme liquide, soit sous forme gazeuse. Mais au total, c'est toujours la même quantité. Or, comme la population va augmenter, encore pendant plusieurs décennies, comme les besoins collectifs donc, vont augmenter, ça veut dire que la quantité d'eau par personne, en quelque sorte, va diminuer. Et surtout, la quantité d'eau buvable, si les pollutions continuent de s'accélérer, si les conditions continuent de perdurer, parce qu'on repousse au calendrier grec l'interdiction du glyphosate ou bien l'interdiction de tous ces produits phytosanitaires qui polluent les sols et polluent les nappes phréatiques. Donc, les biens naturels doivent donc être institués en tant qu'éléments naturels, en tant que biens communs. Pardon, excusez-moi, les biens naturels sont naturels tout court, mais il faut les instituer en tant que biens communs. Et la valeur de ces éléments naturels échappe au registre économique. Alors vous avez aujourd'hui tout un tas de délucubrations d'économistes bien pensants qui vous disent que oui, c'est vrai, on a épuisé la nature, on la pollue, on détruit la biodiversité, mais parce qu'on n'a pas pris en compte la valeur économique intrinsèque de la nature. C'est une absurdité. La nature n'a pas de valeur économique intrinsèque. La nature n'a pas de valeur économique intrinsèque. La valeur de la nature échappe au registre économique. Quelle valeur économique vous allez donner à la lumière du soleil? Quelle valeur économique vous allez donner aux océans? Quelle valeur économique vous allez donner à des choses qui sont peut-être sous terre, mais qu'on n'est pas encore allé chercher? Ça n'a pas de sens. La valeur de la nature, elle est de notre registre. Alors, éthique, philosophique, politique, peut-être même, mais pas économique. Et donc, vous avez aujourd'hui tout un tas d'élucubrations et élucubrations auxquelles se laisse prendre un certain nombre d'organisations non gouvernementales, écologistes, par exemple la célèbre organisation non gouvernementale qui s'appelle WWF, dont vous avez entendu parler, a chiffré il y a 2 ou 3 ans la valeur des océans. Vous savez combien ça vaut les océans? Ça vaut 25 000 milliards de dollars. Ah bon, d'où ils ont sorti ça? Ça n'a strictement aucun sens. Et donc, la Banque mondiale, l'Organisation de coopération et développement économique et le Fonds monétaire international, toutes les institutions internationales, aujourd'hui nous disent « Ah, maintenant, on va prendre en compte la valeur de la nature et on va l'ajouter à la valeur que l'on a produite, hein, le PIB, et à la valeur... du capital humain, et donc ils ont une addition que vous trouverez dans, si vous êtes curieux, capital économique plus capital humain plus capital social plus capital naturel, c'est la valeur de la richesse. Mais ces choses-là ne s'ajoutent pas parce qu'il n'y a aucun élément, aucun dénominateur commun qui est capable de procéder à cette addition. Et donc là, il y a une... Non seulement il y a une tentative de marchandiser aujourd'hui la nature parce que vous avez toutes les banques, toutes les grandes banques mondiales aujourd'hui qui rivalisent d'imagination pour proposer des nouveaux titres financiers qui s'appellent obligations catastrophes pour se prémunir contre les risques d'ouragans, de tempêtes, d'incendies. Hein, vous voyez ce qui se passe en Australie. Que obligation, au sens financier du terme, que les multinationales dont les investissements pourraient faire courir des risques et qui leur permettent donc de compenser à l'avance les dégâts que leurs investissements auraient occasionnés. Et donc vous avez aujourd'hui un nouveau marché qui se développe sur ces obligations catastrophes ou parfois appelées obligations vertes, et qui est en train de connaître un développement extraordinaire aujourd'hui. Parce que les grandes banques ont compris, et les grandes compagnies d'assurance ont compris, que la multiplication des risques liés au réchauffement climatique, à l'épuisement de la biodiversité, etc., faisait courir des risques majeurs, des risques nouveaux, dont la finance voudrait se prémunir, contre lesquels la finance voudrait se prémunir. Donc, voilà un petit peu sur le plan des principes philosophiques. Sur le plan des principes stratégiques, Bon, il faut d'une part garantir la propriété collective des services publics qui partent en petits lambeaux. Or, bien sûr, on privatise pas tous les hôpitaux d'un coup, mais on leur impose de telles normes de gestion qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux normes de gestion dans les entreprises privées, dans les multinationales privées. Vous savez que la tarification à l'acte, qui fait que les hôpitaux, pour avoir des sous, eh bien, raccourcissent la durée d'hospitalisation pour rentabiliser davantage. Donc les hôpitaux sont soumis aux mêmes règles de rentabilité comptable, financière, que les entreprises privées. Et donc, même si ça ne s'appelle pas privatisation, c'est par ce biais-là, par le biais de l'introduction de ces nouvelles normes de gestion, que la marchandisation s'opère. C'est la même chose dans l'éducation, c'est la même chose dans la recherche publique, etc. etc. Et au nom de quoi ? Et alors c'est là que l'idéologie libérale bat son plein, au nom du fait que ce qui se déroule sous l'égide de la collectivité, sous l'égide de l'État, sous l'égide des organismes de sécurité sociale, sous l'égide des collectivités territoriales, vous savez qu'on a trois fonctions publiques en France, l'État, les hôpitaux et les collectivités territoriales. Et donc, le discours libéral le plus répandu consiste à dire, et c'est ça qu'on enseigne à l'université, par 90% des économistes et donc à 90% des étudiants. On leur enseigne que ce qui se déroule sous l'égide des collectivités territoriales, sous l'égide de l'État ou sous l'égide de la sécurité sociale, c'est du travail improductif. C'est du travail dont le financement est prélevé sur l'activité marchande. Ça, c'est une ânerie de première catégorie, mais qui est tellement, la ficelle est tellement grosse qu'elle passe. Or, depuis des années, je soutiens la thèse totalement inverse. Ce qui se déroule sous l'égide de la collectivité est éminemment productif. Non seulement productif de valeur d'usage, comme disaient les premiers économistes, comme disaient Smith, Ricardo et Marx, et même Aristote, il a épigé ça. Même il y a 2500 ans, Aristote, il a épigé ça. Ce qui se déroule sous l'égide donc, des collectivités publiques au sens large est éminemment productif de choses utiles, de valeur d'usage, mais également de valeur au sens économique et qui s'ajoute à ce que produisent les entreprises privées. Et dans le fameux PIB que calcule l'INSEE chaque année, il y a une partie marchande et il y a une partie non marchande. Le PIB non marchand n'est pas soustrait au PIB marchand, il s'y ajoute. Et donc, en disant cela, on remet totalement en cause le discours libéral qui consiste à vous dire « Ah ben oui, ben, bien sûr, vous avez des services publics, mais les services publics sont payés par des impôts qui sont payés par les entreprises privées. » Et par les employés des services privés, des entreprises privées. Non, les impôts sont payés par tout le monde. Ils sont payés par à la fois les fonctionnaires payent des impôts jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas s'il y a des fonctionnaires dans la salle, mais moi j'en ai payé des impôts. J'en paie encore et je suis heureux d'en payer parce que on a compris, en disant cela, que les services publics employaient des travailleurs qui produisent de la valeur économique, qui s'ajoutent à la valeur économique qui est produite dans les usines, dans les entreprises privées, industrielles, services, agricoles. Et donc, en disant cela, on bat en brèche le discours libéral le plus habituel, mais aussi, on bat en brèche un discours pendant longtemps et encore véhiculé par la tradition marxiste, c'est-à-dire, non pas Marx, mais la tradition qui s'est déroulée pendant un siècle et demi, où on nous a dit que eh bien, si on avait une école marchande, c'est parce que son financement était assuré par un prélèvement sur la plus-value produite dans les entreprises capitalistes. Ça, c'est une ânerie. C'est une ânerie. Je n'ai pas besoin d'entreprises privées où il y a des travailleurs qui produisent de la plus-value pour le capital pour financer une école non marchande. Je n'ai pas besoin de ça. On a besoin de quoi ? On a besoin de décider politiquement qu'on va consacrer une partie des ressources humaines et matérielles à produire de l'éducation publique, à produire du soin public. Alors certes, et ça ils l'ont compris en face, certes, c'est autant de ressources humaines qui ne vont pas aller produire de la plus-value pour le capital. Évidemment. Ah ben ça oui. Ça oui. Mais ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas que ce qui est, que les ressources qui sont affectées à la rémunération des fonctionnaires est prélevée sur la plus-value capitaliste. Ça c'est absolument faux. C'est un non-sens logique. Bon, pardon, excusez-moi. où est-ce que j'en étais là? Oui, pardon, je suis allé trop vite, pardon. L'institution des biens communs porte effectivement sur les ressources naturelles, j'en ai parlé un instant, mais également la garantie de la préservation, garantir la préservation de ce qui se passe dans l'espace non marchand. Non marchand, mais monétaire. Ça aussi, ça pourra faire l'objet d'une discussion tout à l'heure si vous êtes curieux là-dessus. Aux ressources naturelles, au travail productif dans les services non marchands, il faut ajouter aussi l'ensemble des connaissances. Vous savez qu'il y a une bataille de dépôt de brevets par les multinationales aujourd'hui pour s'approprier les connaissances qui sont produites par les scientifiques sur le génome des espèces vivantes ou sur tout un tas de nouvelles techniques. Et l'Union européenne, dont les experts sont aussi extrêmement savants pour produire des directives, quand on les lit, qui sont extraordinaires, l'Union européenne a publié il y a quelques années, je mets les références dans le livre qui va paraître dans quelques jours, là, l'Union européenne a publié une directive dans laquelle quelque chose qui existe déjà, mais qui n'a pas été inventé, on peut déposer un brevet dessus. Donc là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire quelque chose qui ne relève pas de l'invention humaine, ben, on peut déposer un brevet dessus et donc s'approprier la chose et pouvoir ensuite en tirer des revenus. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. On entre dans une économie capitaliste à dominante rentière. C'est-à-dire que la productivité du travail ne progresse plus que très lentement et donc la captation de la richesse par la finance internationale et surtout par les propriétaires de cette finance, cette captation prend la forme de rente, donc la rente qui va être prélevée sur les activités qui échappent jusqu'ici à cette logique-là. Et lorsque la politiste américaine Elinor Ostrom a reçu le prix de la Banque de Suède, qu'on appelle le prix d'économie, là, il y a une dizaine d'années, parce qu'elle avait publié des travaux sur justement les biens communs. Il y a eu tout un tas de recherches complémentaires qui ont abouti à forger le concept de faisceau de droit. Autrement dit, pour garantir tout cela, pour instituer des biens communs, il faut que la société décide de constituer un ensemble de droits sur tous ces domaines-là. C'est ce qu'ils appellent un faisceau de droits. Et ça nous amène au dernier aspect que j'avais annoncé sur la socialisation de la monnaie, le troisième élément de ce triptyque de départ, réhabiliter le travail, instituer les biens communs et socialiser la monnaie. C'est peut-être l'aspect le plus technique, mais bon, on va essayer de rendre les choses susceptibles d'être discutées ensuite. On a publié il y a 2 ans maintenant un petit livre que je dis on, là c'est les économistes atterrés. On a publié un petit livre qui a été écrit par les mêmes que ceux d'Attaque, parce qu'on circule entre les trois associations à peu près, sur la monnaie, intitulé « La monnaie, un enjeu politique » où on décrypte pas à pas ce que je vais vous résumer de manière le plus simple possible maintenant. Qu'est-ce que c'est que la monnaie? Bon, alors, on en a plus ou moins dans la poche, et à première vue, elle nous sert à participer aux échanges de l'économique, aux échanges marchands, on achète sur le marché ce dont on a besoin. Mais la monnaie n'est pas que ça. La monnaie est à part entière une institution de la société. C'est une institution sociale. Et qu'il ne faut pas réduire à l'aspect qu'elle revêt dans notre économie aujourd'hui, dans le capitalisme. La monnaie n'est pas réductible au capitalisme. La monnaie est une institution qui a été inventée 3 ou 4 000 ans avant qu'apparaît le capitalisme. Le capitalisme a 3 ou 4 siècles d'existence, la monnaie a 3 ou 4 millénaires, ou plus, même dans certaines sociétés. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce qu'est la monnaie. La monnaie est donc une institution sociale qui ne se résume pas à servir d'instrument pour l'accumulation privée, pour l'accumulation du capital notamment. Parce que la monnaie est un instrument qui est, bon, bien sûr, un vecteur d'égalisation des travaux très très différents que les uns et les autres peuvent effectuer, mais en même temps, elle est un vecteur de la socialisation, elle est un vecteur de la participation à la vie collective. Et la monnaie n'est véritablement une monnaie que si elle est acceptée comme telle. Et l'une des tares essentielles dès sa naissance de l'euro, c'est d'avoir oublié ce second aspect. L'euro n'a jamais été une monnaie dont la validation politique au sens noble du terme a été effectuée. Et donc, d'où les multiples controverses qu'il y a sur cet instrument et les multiples soubresauts, voire crises que cet instrument, l'euro, a traversé depuis maintenant presque 20 ans. Et donc, il ne faut jamais oublier que la monnaie est un instrument forgé par la société, donc dans l'histoire humaine, et qui a servi, bien avant de servir aux échanges économiques, a servi à faciliter l'ensemble des échanges sociaux. Et toutes les études anthropologiques, ethnologiques ont été menées au cours du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, montrent que dans les sociétés que l'on appelle, d'un terme souvent péjoratif, primitives, eh bien, avaient des formes de monnaie qui participaient pas seulement aux échanges de marchandises, mais qui participaient à l'ensemble des relations sociales qui pouvaient exister dans ces sociétés. Et donc, quand on a compris ça, alors on peut bâtir une stratégie politique pour mettre la monnaie au service d'une transition sociale, écologique, véritable. De quelle manière ? Donc, c'est mon dernier aspect. Il faut revoir complètement la conception de la fiscalité écologique qui a tenté d'être introduite dans plusieurs pays, et notamment en France, où ça s'est révélé à chaque fois une catastrophe. Regardez l'histoire des bonnets rouges, puis des gilets jaunes au cours des dernières années. Pourquoi la taxe carbone a été refusée largement, majoritairement dans la société ? Parce qu'elle n'avait pas comme finalité d'accompagner cette transition sociale. Elle avait simplement finalité de boucher les trous budgétaires que la baisse des impôts sur les riches avait occasionné. Et donc, ça ne pouvait pas être accepté comme élément participant d'une transition. D'autant qu'on sait que la consommation de carburant, par exemple, si on y met une taxe supplémentaire, pénalise davantage les couches populaires que les riches. Et donc, pour cette raison-là, la fiscalité écologique, qu'il faudra mettre en place, bien sûr, mais à condition qu'elle soit accompagnée d'une redistribution forte et en même temps qu'elle serve véritablement à préparer les investissements qui seront nécessaires. Et bon, cette idée va mettre du temps à recheminer parce qu'il y a eu un tel blocage dans la société qu'il va y avoir un laps de temps peut-être pas mince pour que il y a un changement qui s'opère à son sujet. Mais il y a maintenant, on dispose d'un certain nombre d'études pour voir comment on pourrait faire progresser d'ici 10, 15 ou 20 ans le prix du carbone, pour le dire familièrement, dans une fourchette que certains travaux ont permis d'élaborer. Donc, en 2020, en moyenne, vous avez la tonne de carbone émise qui est entre 24 et 40 euros la tonne, et un passage progressif vers 50, 60, voire 100 d'ici une dizaine, une quinzaine d'années serait parfaitement assimilable. Il y a des pays comme la Suède, ils ont déjà un prix de une taxe carbone qui était au niveau de 100 euros la tonne émise. Et donc, si je synthétise maintenant, parce que j'arrive au terme de l'heure que Jacques m'a donnée, si je synthétise un petit peu tout cela, pour conclure, je dirais ceci. Là, on est véritablement au sein d'une grave crise structurelle du capitalisme. Il faut prendre le mot structure comme au sens de système, c'est-à-dire que c'est le fondement même de la logique du système qui aujourd'hui doit être interrogé, c'est-à-dire la course au profit, le fait que tout ce qui bouge sur la planète soit marchandisé, doit être interrogé. De façon à garantir des conditions de vie pour nous et les générations futures, et au lieu de menacer la capacité des sociétés à rester vivables. Et c'est ce qu'on appelle quelquefois d'une expression comme vivre, le vivre ensemble, c'est-à-dire la capacité des sociétés à générer le moins de violence possible. On ne va pas extirper la violence des sociétés humaines comme ça d'un coup de baguette magique, je pense que c'est inhérent à la condition humaine, hélas, mais bon, on ne va pas l'extirper comme ça brutalement. Et donc, mais il faut que la démocratie puisse se constituer des formes de vie qui soient soutenables, soutenables au sens social comme au sens écologique. Le verrou, il y a un certain nombre de verrous face à cette entreprise-là que je ne fais que définir en concluant. Il y a un verrou social qui est lié au rapport de classe, bien sûr. On avait imaginé, les sociologues, pour la plupart, et les économistes, bien sûr, qui ne sont jamais en reste pour dire des âneries, avaient théorisé la disparition des classes sociales. Tu parles, Charles, les classes sociales n'ont pas disparu. Bien sûr, elles n'ont pas les mêmes formes qu'il y a un siècle ou un siècle et demi. Évidemment, il y a une fragmentation du salariat, donc une fragmentation de ce qu'on appelait le prolétariat il y a quelques décennies encore. Mais les couches populaires n'ont pas disparu. Si vous ne faites qu'ajouter les ouvriers, au sens propre du terme, et les employés, soit de bureaux, de commerce, etc., vous avez déjà plus de 50% de la population active. Donc, une moitié est constituée par les couches véritablement populaires que le discours dominant qualifie de classe moyenne. Vous avez notamment l'organisme qui s'occupe de mesurer les inégalités en France, qui définit les classes moyennes à partir de 1100, 1200 euros de revenus par mois, c'est-à-dire le SMIC. Donc, il n'y a plus de salariat pauvre, il n'y a plus de prolétariat, il n'y a plus de classe ouvrière. Donc, tout est classe moyenne, et sauf les quelques qui sont au seuil de pauvreté, peut-être, ou même en dessous. Donc, les classes moyennes avaient vocation, nous disait-on, à tout englober. Mais si sans se rendre compte, si je dis classe moyenne entre quoi et quoi? Entre ceux qui ont disparu et puis le 1% qui a au sommet. Non, ça n'a strictement aucun sens. Et par bonheur, si je peux dire, les mouvements sociaux que nous connaissons et que nous avons connus, et l'irruption des Gilets jaunes a au moins cet avantage, il y en a d'autres, mais il y a celui-là, c'est de faire réapparaître les couches populaires. Les couches populaires n'ont pas disparu, et la montée des inégalités doit être interprétée non pas comme un élément accréditant l'idée que les classes ont disparu, mais au contraire, qu'elles se sont hélas maintenues. Et que c'est ça le verrou principal, c'est le rapport de classe, parce que le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est qu'en termes sociologiques, le néolibéralisme, ce qu'on appelle le capitalisme néolibéral, c'est la victoire des possédants, et des possédants les plus possédants, si je peux permettre cette expression un peu hasardeuse. Bon, il n'y a pas qu'un verrou social, il y a un verrou politique qui est, reconnaissons-le entre nous, la panne stratégique de toutes les organisations de gauche. Qu'elles soient syndicales ou politiques, il faut bien reconnaître que, en matière de stratégie, ça ne brille pas par la pertinence. Alors, je ne veux pas dire que j'ai moi la solution, mais bon, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre cette question à bras le corps. Et si la proposition que j'ai faite tout à l'heure d'élargissement de l'assiette des cotisations sociales n'a jamais été vraiment admise, c'est parce que les organisations syndicales ont toujours été réticentes par rapport à ça. Parce qu'ils ont vu que ça pourrait, disait-il, ça pourrait rompre le lien entre la cotisation et le travail. Mais si on a compris que tout vient du travail, on ne rompt pas le lien parce qu'on élargit la cotisation sociale, la série des cotisations sociales, au contraire. On déplace le curseur entre salaire et profit. Donc on réaffirme la pertinence de la théorie qui nous vient de l'économie politique et qu'avait parachevé Marx, la théorie de la valeur travail. Seul le travail produit de la valeur. La capitalisation ne produit rien. Je l'ai dit tout à l'heure, je me répète. Donc, panne stratégique qu'il faut remettre sur le métier. Il y a un dernier verrou qui est d'ordre, cette fois-ci, plutôt idéologique, parce que la force du capitalisme néolibéral a été d'instiller dans les têtes que nous devions évoluer vers de plus en plus d'individualisme. Et la réforme des retraites, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, on a l'illusion que chacun va pouvoir préparer sa retraite et glisser jusqu'à financer sa retraite. C'est une ânerie, c'est une de plus. On ne finance jamais sa propre retraite. Ceux qui iront souscrire des plans de retraite ne financent pas leur retraite. Pourquoi? Parce que le fonds de pension qui achète des titres financiers pour ceux qui auront une épargne importante, qu'est-ce qu'ils vont faire quand vous allez partir à la retraite? Enfin, quand ceux qui ont acheté ça vont partir à la retraite. Les fonds de pension vont vendre à qui? Je n'entends pas. Mais à la génération qui suit et qui travaille. tous les systèmes de retraite, ceux que l'on appelle par répartition et même ceux qu'on appelle par capitalisation, répartissent la valeur ajoutée par les travailleurs. On ne finance jamais sa propre retraite. Dans le premier texte que j'avais écrit, c'était dans les années 80, un peu après la réforme Balladur, fin des années 90, j'avais dit, il n'y a pas de congélateur de revenus. Si vous financez, si vous croyez financer votre retraite parce que vous achetez un plan d'épargne retraite, on ne met pas votre argent dans un congélateur et on ne ressort pas quand vous partez à la retraite. À chaque instant, les retraites sont prélevées sur le produit du travail des actifs. On n'a pas mis votre argent dans un congélateur. Les revenus monétaires sont un flux engendré chaque année, et pas un stock qu'on met quelque part dans un congélateur. Ça va ? Bon. Donc, le verrou idéologique qu'il faut faire sauter, c'est cette pente vers l'individualisme. La croyance que, comme le disait Madame Thatcher, la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Ça, c'était le maître mot de Madame Thatcher. Eh bien, Macron, c'est le Thatcher français. D'où l'importance de l'éducation populaire que vous faites ce soir. Merci. Bon, merci Jean-Marie de ces quelques minutes simplement pour souffler. Oui. Le temps de dire que la soirée ce soir est passée sous l'égide de l'AGEP, mais elle n'est pas la seule à avoir organisé. La GET a été aidée à 100 par Attaque-Tarn, par la Ligue Pensée, par l'UPT et par la FSU. Deuxième chose, à la fin de la soirée, bon, il y aura un chapeau là, Claude qui est là-bas et qui se changera de le garder. Si vous avez quelques monnaies, on a parlé de la monnaie tout à l'heure, c'est aussi une utilisation qu'on peut faire pour essayer d'aider à l'organisation de ces conférences. Bien que l'amphi n'est pas gratuit, nous le louons, et c'est gentil à la faculté de nous le louer encore. Qu'est-ce que j'avais rajouté? Ben non, je vous ai dit la prochaine fois, c'est un cast, c'est un film. Donc, à qui la première question? Bonsoir. Comment expliquez-vous la baisse des gains de productivité, alors que nous sommes environnés d'innovation, on ne cesse de parler d'innovation, il y a la révolution informatique, numérique, et c'est un peu paradoxal. Tu prends plusieurs questions? C'est vous qui choisissez, et vaut mieux peut-être, parce qu'il peut y avoir des questions qui se recoupent, donc ça permet de... Vas-y, ouais. Deux ou trois questions. Et j'avais aussi une question sur la productivité, la baisse de la croissance, le ralentissement de la croissance de la productivité. J'aurais besoin quand même d'une définition de la productivité et des conséquences que peut avoir sa baisse, sa croissance ou sa non-croissance. Après, c'était une remarque plus générale, il faut que j'ouvre mon truc, parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire, j'ai oui. Vous avez présenté cours où l'on voyait que les émissions de CO2 progressaient, je dirais, accompagnaient la progression du PIB, hein, qui continue à progresser, même si c'est plus lentement. Donc ce qui m'interroge, c'est quelle que soit l'utilisation du PIB, il semblerait que le taux de les émissions de CO2 soient accrochées à la progression du PIB. Donc c'est en soi, si je restais, puisque vous avez parlé beaucoup de... Vous avez insisté sur la logique, je ne sais plus qu'est-ce qui n'était pas logique dans une de vos critiques, mais la logique voudrait donc dire que pour arrêter les émissions, pour diminuer les émissions de CO2, il faudrait donc diminuer la progression du CO2. C'est ce que je lis sur la courbe et ça me semble paradoxal. Quelle est votre opinion en tant qu'économiste de ce rêve d'un certain nombre de créer une aristocratie internationale centrée sur l'informatique qui ferait fonctionner un monde de machines en les laissant sur le côté les humains, dans leur grande majorité, à quelques esclaves près pour faire les choses que les machines ne savent pas faire. Je crois que... Ça va, ça, oui. ça suffit. Bon, alors reprenons ces trois questions, changeons un petit peu l'ordre, d'abord donnant une définition de la productivité. Oui, c'est merci de demander la précision, je ne l'avais pas donnée. C'est assez simple, c'est un petit rapport, une fraction. Au numérateur, vous avez la quantité produite, et au dénominateur, vous avez la quantité de travail nécessaire pour ce que vous avez mis au numérateur. Production sur quantité de travail. Alors, si on veut entrer dans le détail un peu plus, ce qui est au numérateur, c'est évalué en monnaie, parce qu'il faut qu'on ajoute des ordinateurs, du blé, des voitures, du service de soins, etc. Donc, il nous faut un dénominateur commun, c'est justement la monnaie dont on a parlé. Donc, c'est une production évaluée monétairement, le PIB est monétaire. Et puis, au dénominateur, on peut compliquer aussi la chose en disant qu'on peut mesurer la quantité de travail de deux manières, soit en nombre d'emplois multiplié par la durée du travail individuel moyenne. Et l'ajout de ce dernier élément permet de faire entrer la question de l'augmentation ou de la diminution du temps de travail dans la relation. Autrement dit, la productivité, c'est toujours une relation quadripartite entre donc quatre éléments, donc la productivité, la production, le temps de travail et le nombre d'emplois. Et donc ces quatre éléments sont toujours liés en tout temps entre eux. Alors la variation de l'un peut avoir une influence sur l'autre, etc. C'est pour ça que plus on va dans le détail, plus ça peut être compliqué, mais pour nous ici, là, ça suffit de dire cela. Mais après, on peut savoir qu'il peut y avoir des difficultés pour mesurer les unes et les choses. Bon. Mesurer la production, on sait à peu près faire, les organismes statistiques comme l'INSEE, mais il y en a d'autres semblables dans les autres pays, savent à peu près faire, mais c'est toujours avec des petites marges d'erreur possibles. Il n'y a pas de... Pour ne pas s'en offusquer, c'est inévitable. Pareil pour le nombre d'emplois, ce ne sera pas à l'unité près, ce sera à quelques dizaines, voire centaines de milliers près, bon, etc., etc. Bon, voilà pour la définition. Alors, après, il y a une question plus compliquée, c'est comment expliquer que les gains de productivité se soient ralentis, et ça partout dans le monde, malgré, vous l'avez dit, malgré les innovations techniques mirifiques, il y a des ordinateurs partout, mais l'économiste américain Robert Solo avait dit il y a quelques années, ah c'est bizarre ça, il avait dit la même chose que vous, on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Pourquoi ? Il y a plusieurs éléments, je pense qu'il explique. Le premier, le plus simple à comprendre, c'est que les gains de productivité sont surtout importants dans l'industrie, dans l'agriculture, en tout cas l'agriculture industrielle, mais beaucoup moins dans les services. Or, dans tous les pays au monde aujourd'hui, les services sont devenus majoritaires dans la production totale. Aujourd'hui, dans notre PIB, il y en a les deux tiers, voire les trois quarts, constitués par la valeur des services, et le dernier tiers ou quart par la valeur des produits industriels et agricoles, mais surtout industriels. Donc, le fait que les services soient devenus largement majoritaires dans les économies du monde entier tire la moyenne vers le bas. Et donc, on peut à la fois le considérer comme révélateur du fait que les besoins humains ont évolué, hein, il y a besoin plus de services que de bagnoles finalement, hein, mais en même temps, ça inquiète la classe dominante parce que la source de la productivité du travail est plutôt dans les sphères où on peut rationaliser au maximum les processus productifs. Et d'où, et c'est pour ça que votre question est tout à fait intéressante, d'où la volonté de rationaliser aussi aujourd'hui les services, et notamment les services hospitaliers, les services éducatifs, etc., etc. Vous avez sans doute des échos de ce qui se passe dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, où vous avez deux infirmières pour soigner, pour prendre en charge 30 ou 40 personnes âgées pendant le week-end. Bon. Donc il y a une rationalisation de tous les services pour justement compenser le fait que la moyenne de la hausse de la productivité dans ces secteurs-là est faible. Bon. Il peut y avoir aussi d'autres éléments, mais à mes yeux, c'est le plus important. Il y en a un autre, mais qui est très discuté aujourd'hui. Il nous faudra sans doute plus de temps pour tirer le bilan de ces innovations techniques. Il y a une thèse qui est développée par un économiste américain qui s'appelle Robert Gordon, qui est très connu, et ça fait des années qu'il alerte sur le fait que les innovations techniques n'ont pas la même portée en termes de gains de productivité que les innovations techniques lors des précédentes révolutions industrielles. Quand on est passé de la machine à vapeur au moteur à explosion et au moteur électrique, il y a eu un gain de productivité fabuleux grâce à ces nouvelles techniques. Les progrès de la productivité apportée par l'informatique et par la robotique aujourd'hui, c'est pas aussi net pas comparé. Cette troisième révolution industrielle n'apporte pas de gains aussi importants que les deux premières révolutions industrielles. Et l'avenir dira si ce phénomène est confirmé ou non. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait maintenant quasiment une vingtaine d'années qu'on voit, on constate et on note ce phénomène-là. Bon, alors, je ne peux pas prédire ce qui se passera là-dedans dans 20 ou 30 ans. Mais ça permet d'aborder la troisième question qui a été posée. C'est le monsieur qui est au bord là, de la rangée. Est-ce que, je rappelle sa question, donc car vous l'auriez oublié, parce que j'ai vu qu'il y a comment qu'il les note, les questions. Je plaisante. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une élite qui n'aurait plus besoin de travail, de travailleurs, parce qu'ils auraient mis au point des techniques tellement sophistiquées et ils en auraient accaparé la quasi-totalité qu'ils pourraient se débarrasser, hormis de quelques esclaves qui leur resteraient, se débarrasser de l'ensemble des travailleurs, hormis quelques esclaves qu'ils garderaient. Oui, mais c'est pas impossible ce que vous dites. Le problème, c'est qu'ils vont se heurter à quelque chose de phénoménal. C'est le où c'est qu'ils écouleront leurs marchandises produites en quantité quasiment illimitée, s'ils n'ont plus de salariés à qui ils distribuent des revenus. Vous savez, un riche, il peut avoir 4 bagnoles, 5 bagnoles, 10 bagnoles de luxe, il peut en conduire qu'une à la fois. Alors certes, maintenant, peut-être que plusieurs pourront circuler sans chauffeur, donc il pourra être dans une et puis 3 ou 4 autres à lui qui circuleraient derrière lui, bon, pour lui ouvrir la route. Bon. De la même façon, un super riche, donc un membre de cette classe que vous décrivez, il mange 3 fois par jour, mais il ne mange pas 6 fois par jour. Il mange mieux. Bon, peut-être qu'il ira chez Bocuse encore, puisque malgré la suspension de la troisième étoile. Bon, mais bref, plaisanterie mise à part. Donc il y a un problème d'écoulement de marchandises. Et dans un autre montage, bon, mais il faudrait que je prenne 3 minutes pour le retrouver sur mon ordinateur. Il y a eu dans Le Monde, ou dans les Échos, je ne sais plus dans quel journal j'ai pris cette photo, il y a eu une photo, là, à l'automne dernier, une photo prise sur un parc d'automobiles neuves, sur un constructeur d'automobiles, dont je ne dirai pas le nom, parce que ce serait de la délation, où on voit, à perte de vue, des stocks de bagnoles neuves, agglutinées les unes derrière les autres, à côté des autres. Il n'y a pas un seul secteur industriel aujourd'hui dans le monde qui ne soit en surproduction ou en surcapacité de production. Vous prenez l'automobile, vous prenez la sidérurgie, vous prenez la chimie, vous prenez le bâtiment. Tous les secteurs sont en surproduction ou en surcapacité de production et dans des proportions importantes. C'est entre 25 voire 30%. Donc il y a un problème d'écoulement des marchandises. Et donc, la captation des revenus, la polarisation de la richesse à un bout de la société, exclusivement, finit par se retourner contre ceux qui s'accaparent la richesse. Parce qu'il faut bien écouler leur camelote. Marx l'avait tout à fait bien compris. Il avait montré que le capital fait produire de la valeur aux travailleurs, mais il faut qu'ensuite cette valeur soit monnayée sur le marché. Sinon, ils ont fait produire de la valeur, mais qui n'est pas à transformer en espèce sonnante et trébuchante. Et c'est ça qui les intéresse. Et donc, c'est ça, je pense, qui est un obstacle à l'avènement de ce que vous décrivez, qui techniquement pourrait être possible dans un siècle ou plus, je ne sais pas, mais qui se, se heurterait à une contradiction sociale majeure. Et je termine là. Je reviens un instant sur la question du monsieur précédent avec la casquette là, sur pourquoi, comment on explique cette baisse des gains de productivité. Je pense que, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça complète l'explication précédente, je pense que la raréfaction des ressources naturelles, ou en tout cas, ce qui revient au même, leur renchérissement inéluctable, participe au même phénomène. C'est-à-dire que si vous avez des ressources énergétiques, avant qu'on généralise l'énergie solaire ou éolienne, etc., si vous avez des ressources énergétiques principalement fossiles, parce que le nucléaire, c'est quelques pourcents à peine dans l'énergie utilisée dans le monde, donc c'est presque une anecdote. Si vous avez ce type d'énergie qui commence à se raréfier, ou en tout cas qui ne suit plus les besoins de la production, il risque d'y avoir, et peut-être que c'est un élément supplémentaire qui explique la baisse des gains de productivité, il va y avoir une tension supplémentaire. Et si vous avez la conjonction du fait qu'il y a une dévalorisation de la condition salariale, plus une difficulté concernant l'accès aux ressources naturelles, que ce soit en termes de prix ou en termes de rareté, eh bien vous avez, je pense, les deux ingrédients principaux de la diminution, expliquant la diminution des gains de productivité. Je n'ai pas tout à fait répondu à une question qu'a posée le monsieur au troisième rang. Oui, je n'ai pas oublié, parce que je viens juste de jeter un coup d'œil sur mon papier, je l'avais noté. Donc rappelez-vous la question qu'il a posée, en complément de la précédente. Finalement, la courbe que... Oui, elle est toujours là. La courbe qui est ici à l'écran, comment l'interpréter? Donc on a, je le répète, je l'avais dit tout à l'heure, on a la courbe ici qui donne l'évolution du produit intérieur brut, ici l'évolution des émissions de CO2, et quand on fait le rapport entre les deux, il y a une diminution. Ce qui veut dire que, pour le dire simplement, nos moteurs sont de plus en plus performants, ce qui fait que pour le même kilométrage, je vais consommer moins d'essence ou de gazole. Mais comme il y a plus de bagnoles, je vous l'ai dit tout à l'heure, et plus de kilomètres parcourus, les émissions de CO2 continuent d'augmenter à un rythme moindre que le PIB, un rythme moindre que la richesse produite. Ça, toutes les études l'attestent. Est-ce que, c'était ça votre question, est-ce que alors il faudrait en conclure que pour diminuer, en tout cas comme ça que je l'ai comprise, vous me direz, est-ce qu'il faut en conclure que pour diminuer de manière absolue les émissions de CO2, il faudrait rompre la relation avec le PIB? Eh bien c'est ça le problème justement, c'est ça le gros problème, c'est que pour l'instant on n'a pas la recette miracle pour effectuer cette rupture absolue et pas simplement relative. C'est ce qui explique que certains proposent d'entamer un processus de décroissance économique. La racine de la théorie de la décroissance, elle est là. Donc vous me demandez ce que j'en pense, je vais le dire rapidement parce que ce n'est pas l'objet de la soirée, mais la question est tout à fait liée à ce que nous disons. Je pense qu'on n'évitera pas le ralentissement de la production et à terme la diminution, et pour démarrer, la diminution des ponctions de matières premières. On n'y coupera pas, parce que les choses vont se raréfier, donc il n'y a pas de mystère, et on n'ira pas puiser de l'eau sur Mars, ça c'est des trucs futuristes que notre génération ne verra pas, et sans doute la suivante aussi. Mais personnellement, et j'ai travaillé un petit peu là-dessus aussi, et le directeur de ma thèse de doctorat était Serge Latouche, qui est le principal théoricien de la décroissance en France, et avec lequel j'ai un débat depuis maintenant 20 ou 30 ans sur cette question-là. Je pense, et la discussion permettra d'éclairer davantage la réponse, je pense que la transition qui va nous mener d'un modèle productiviste, ou qui devrait nous mener d'un modèle productiviste à un modèle écologique, social, écologique, donc soutenable, cette transition va être longue, de mon point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut changer tous nos systèmes énergétiques, il faut changer tous nos systèmes de transport, il faut refaire notre habitat, c'est-à-dire isoler thermiquement, voir phoniquement nos logements, nos bâtiments, et toutes ces transformations vont s'étaler sur plusieurs années, je pense même plusieurs décennies, et nécessiter des investissements très importants, et qu'on commence à estimer. On estime à environ, pour simplement amorcer la transition énergétique écologique, il faudrait consacrer 3, 4 à 5% du PIB chaque année. Rien qu'à ça. Mon point de vue, mais j'accepte qu'il soit discuté, mon point de vue est qu'on ne peut pas décider qu'il faut 4 à 5% de PIB, de la richesse produite, à ces investissements de transition, alors que le PIB diminuerait brutalement. Je pense qu'il va y avoir un temps de transition où le PIB continuera à augmenter, faiblement peut-être, mais continuera à augmenter, et que ce n'est que lorsque ces investissements pourront être progressivement généralisés qu'on pourra espérer, en tout cas je l'espère, même si je ne le verrai pas sans doute, qu'on pourra espérer de déconnecter l'évolution de la production et l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, de la ponction sur les matières premières, de la dépense énergétique, du gaspillage de l'eau, etc. Il se trouve que je suis conseiller municipal jusque dans 2 mois, là, parce que le mandat s'achève dans 2 mois, dans la petite commune que j'habite, qui a 2000 habitants. Le nombre de permis qu'on voit arriver pour construire des piscines, pour mettre en place des piscines, mais vous ne pouvez pas imaginer. Tout le monde veut sa piscine dans son jardin maintenant. Ça me fait râler, mais je n'y peux rien. Les PLU, les plans locaux d'urbanisme l'autorisent, alors qu'est-ce que je veux dire ? Tous ceux qui rechigneraient si on augmentait leurs impôts locaux pour construire une piscine municipale où on pourrait venir se baigner, se précipitent pour acheter et construire une piscine privée. Ça, c'est le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la pente vers l'individualisme. Donc je pense que tout cela, tous ces investissements publics vont être très très importants et pendant plusieurs sans doute décennies pour, je répète, transformer les systèmes de transport énergétique, l'habitat, l'urbanisme. Les architectes, les urbanistes disent que pour changer, pour modifier l'urbanisme, ça prend un siècle. Tu reviendras. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir comment vous vous situez par rapport à la collapsologie, c'est-à-dire ce mouvement qui prévoit à court terme, je dirais, l'effondrement de notre civilisation, donc qui va bien au-delà d'une crise ou d'une disparition du capitalisme. Moi, je voudrais revenir sur la solution de l'élargissement de l'assiette des cotisations, qui m'a beaucoup intéressée. Vous avez parlé des dirigeants syndicaux. Je ne pense pas qu'on puisse attendre des actionnaires qu'ils disent « nous aussi, on pourrait cotiser ». Mais qu'en est-il des dirigeants politiques de gauche ? Vous en connaissez ? Est-ce qu'ils sont tous actionnaires et donc ne veulent pas non plus se faire connaître ? Mais ça m'étonne qu'ils n'aient pas saisi cette idée-là pour en faire une réelle nouvelle idée de gauche. Une troisième question. Oui, celle que je voulais poser va être courte parce que j'ai été fauché par le collapsus. En fait, lundi dernier à Castres, il y avait un ciné-débat avec Geneviève Azam sur le film de la Décopole, l'enjeu d'anthropocène, des origines d'effondrement. Alors, bon, tout ce que tu viens d'expliquer, là, ça et tout, effectivement, moi je suis d'accord, mais quand on regarde les hypothèses qui ne sont quand même pas si farfelues que ça, on se demande finalement si tout ce qu'on peut échafauder pour espérer cette transformation qui, tu dis, prendra quelques dizaines d'années, voire. Siècle, je ne sais pas, je dirais, est-ce qu'on aura le temps ? À l'évidence, pas. Et puis j'ai un peu l'impression, quand même, que dans notre propos, on ne prend pas en compte l'asymétrie des peuples du monde. Parce que voilà, l'anthropocène, c'est quand même nous qui la faisons. On est 1 milliard de privilégiés, 3 milliards qui survivent et 3 milliards qui agonisent. C'est à peu près ça. Donc l'urbanisme dans le Bangladesh et le balisme qu'il faut pour modifier Londres et Paris, c'est pas tout à fait la même chose. Et une deuxième chose que je voulais faire de façon un peu aparté par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur les travailleurs du secteur non marchand, qui bien sûr s'ajoutait à l'économie, l'autre, hein, celle du monde marchand, moi je pensais au contraire que même j'allais plus loin que ça, qu'elle permettait l'économie du monde marchand. Non seulement elle s'ajoute, mais presque, je veux dire, s'il n'y avait pas d'école, s'il n'y avait pas d'éducation, non seulement, bien sûr qu'elle s'ajoute, mais plus que ça, je pense qu'elle est devant, quoi, elle tire la machine. Bon, mais ça fait trois bonnes questions. Hein. Alors, bon, mais je vais les reprendre dans l'ordre où elles. Je commence par l'élargissement, parce que les trois autres sont reliées entre elles, donc je vais peut-être y après. Bon, j'ai été rapide tout à l'heure sur la question de l'élargissement. Je me souviens que je vous ai dit que bon, les organisations syndicales étaient très frileuses par rapport à cette question. Bon, maintenant, votre question m'oblige à nuancer un petit peu. La CGT, ça fait longtemps qu'elle réfléchit à un truc de ce genre-là. Et dans les dernières publications qu'elle a faites, et notamment ces derniers mois, avec la réforme qui se profilait, la CGT ne prononce pas, enfin en tout cas dans les documents que j'ai lus et les discussions que j'ai lues avec quelques-uns de leurs responsables, la CGT ne reprend pas le terme d'élargissement. Mais elle a une proposition qui peut lui être... qui peut être considéré comme quasiment synonyme, qui est de mettre une taxe sur les revenus financiers versés aux actionnaires. Personnellement, je préfère la terminologie que j'ai employée à celle-là, parce que justement, l'un des arguments qui est avancé par ceux qui sont soit frileux, soit opposés à l'élargissement de la cette cotisation sociale, et par exemple, Force ouvrière y a toujours été farouchement opposée, c'est que ça pourrait comporter le risque de fiscaliser le financement des retraites et au-delà de fiscaliser le financement de toute la protection sociale. Et déjà, il y a eu un petit bout de fiscalisation de la protection sociale par le biais de l'invention de la CSG pour l'assurance maladie. Pour éviter cette confusion possible et pour éviter qu'effectivement la protection sociale ne soit plus que l'apanage de l'État et non pas l'apanage, comme c'était à sa création, des travailleurs, hein, des salariés, pour éviter cela, je préfère qu'on utilise l'expression « élargissement de l'assiette des cotisations sociales », c'est-à-dire techniquement, on applique le taux de cotisation sociale à un ensemble plus vaste, plus large que les seuls salaires bruts. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère cela. Mais... je reconnais maintenant, en nuançant, et vous avez bien fait de poser la question, je reconnais que ça commence à bouger sur cette question-là. J'ai à peu près convaincu mes amis avec lesquels je bataille depuis maintenant 20 ou 30 ans sur la question des retraites, parce qu'on a mené toutes ces batailles depuis les années 90, ou auparavant, mes propres amis que je rencontrais, soit à la Fondation Copernic, soit à TAC, notamment, étaient eux aussi très réticents. Parce qu'on hérite justement de cette ancienne conception qui était tout à fait juste à la sortie de la guerre quand la sécurité sociale a été inventée, c'est-à-dire qu'on voulait bien signifier que les travailleurs, la cotisation sociale, elle leur était vraiment leur chose, et qu'ils avaient vocation à gérer entièrement la protection sociale. Mais je pense que, compte tenu notamment de l'extraordinaire explosion des revenus financiers, et notamment compte tenu du déplacement au désavantage du travail, du curseur de la répartition entre masse salariale et profit, c'était la courbe qui est descendante que je vous ai montrée tout à l'heure, je pense qu'il faut reprendre la question et la reposer d'une nouvelle manière en disant, bien, le travail produit toute la valeur économique, il n'y a aucune raison qu'une partie, et non négligeable, ça se chiffre en centaines, une centaine de milliards d'euros au moins, chaque année, il n'y a aucune raison pour que cette partie-là de la valeur ajoutée produite par le travail ne connaisse pas l'application d'un taux de cotisation. Alors, vieillesse, mais ça pourrait être qu'on élargit le raisonnement à l'ensemble de la protection sociale, et notamment à la branche maladie. Voilà. Voilà, c'est ce qui, à mes yeux, justifie. Il y a un autre argument, bon, que je présente maintenant, puisque vous posez la question, il y a un autre argument qui est un peu plus technique, peut-être. Entre deux entreprises qu'on va typer de manière extrême pour que vous compreniez bien, une entreprise où il y a beaucoup de main-d'œuvre et peu d'équipements matériel, machines, etc. Et une entreprise où c'est l'inverse, beaucoup d'équipements très sophistiqués et peu de main-d'œuvre, qui paie le plus de cotisations sociales relativement ? Ben, c'est la première. Et donc la concurrence intercapitaliste se fait au détriment des petites entreprises, des PME, PME qui sont souvent des sous-traitantes des entreprises donneurs d'ordre multinationales ou grandes entreprises, et qui, multinationales qui leur fixent le prix de vente, qui leur fixent les conditions de travail, et pire, qui répercutent sur ces sous-traitants la moindre défaillance conjoncturelle de l'activité économique. C'est elles qui sont la soupape par laquelle les hautes firmes, les grandes firmes se sauvent. Bon, donc je pense que l'élargissement de l'assiette ne diminue pas, ne supprime pas totalement cette concurrence intercapitaliste, mais elle en arrondit un petit peu les angles. Et elle rétablit un minimum d'avantages pour les entreprises de main-d'œuvre qui, relativement, paient plus, en tout cas par rapport à leur chiffre d'affaires, paient davantage de cotisations sociales. Bon, voilà. La discussion. Alors, vous me disiez, madame, vous me demandiez, mais alors, qu'est-ce qu'ils font, les partis de gauche, etc. Bon, mais les partis de gauche, ils sont ce qu'ils sont, donc, vous le savez, comme moi, bon. Mais, bon, je désespère pas que cette idée progresse sous des vocabulaires peut-être différents de celui que j'emploie, mais qui relèvent un peu de la même... la même idée, je pense. La CGT est le syndicat sans doute qui a le plus progressé dans cette direction, puisqu'ils ont même eu une proposition originale, et ça qui date de longtemps déjà, qui est ce qu'ils appellent la maison commune de la retraite. Donc cette idée que l'on pourrait, par ce biais, tendre vers une unification par le haut de tous les fameux régimes. Et je pense que là aussi, on a peut-être abandonné trop facilement à l'adversaire l'idée d'universaliser, mais par le haut, les régimes de retraite. Je pense que ça, c'est... Si, parce que quand on perd le match 4 ou 5 fois de suite, il faut se demander pourquoi. Et là, on a perdu tous les matchs sur les retraites. Depuis 1993, on perd tous les matchs. Chaque fois, on a été battu. Quelquefois de très peu, mais on a été battu. Les réformes sont passées. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas eu la force collective, et je n'incrimine personne, hein, je regrette qu'on n'ait pas eu la force collective pour faire des propositions d'unification par le haut des régimes de retraite. De façon à éliminer cet argument clé qu'il nous balance à la figure à chaque fois, hein, les régimes spéciaux. La SNCF et la RATP, c'est 3%. 3% des salariés et des retraites, des pensions de retraite. Et donc on attribue à ce régime-là le fait qu'ils sont en déficit et que l'État doit compenser. Mais tous les régimes de retraite sont potentiellement, connaîtront potentiellement des déficits si la structure démographique de leur secteur s'inverse. Personne ne va reprocher aux agriculteurs de ne pas avoir de pension suffisante parce que la proportion d'agriculteurs dans la population active est passée de 40% après-guerre à 3% aujourd'hui. Il y a une structure démographique qui s'est inversée et c'est normal que la collectivité compense. Les cheminots, il y a 120 ou 130 000 ou 140 000 cheminots aujourd'hui et il y a 100 000 de plus de pensionnés cheminots. C'est pas la faute au régime spécial, à l'existence du régime spécial. C'est la faute à l'inversion de la structure démographique. Et plus vous diminuez le nombre de cheminots, ben plus vous inversez la structure démographique. Et plus vous diminuez le nombre de fonctionnaires, plus les régimes de fonctionnaires seront déficitaires, évidemment. C'est tellement simple à comprendre l'économie qu'on se demande pourquoi. Bon, reste trois questions qui, à mon avis, sont un peu liées. Alors, la collapsologie, qui est le terme inventé par les collapsologues. Non, mais je le dis pas de manière pour m'en moquer. Dans le livre, que malheureusement, j'ai pas pu amener parce qu'il n'est pas encore publié, j'ai toute une partie de chapitre là-dessus. Je résume, c'est de la vaste blague. Je le dis brutalement. Il y a une difficulté majeure d'épuisement des ressources. Ça veut dire que dans 5 ans, voire dans 10 ans, tout va s'effondrer. Je suis incapable de faire un pronostic. Je suis incapable de faire ça. Et il n'y a aucun fondement scientifique qui nous dit dans 5 ans, c'est fini. Yves Cochet, qui est l'un des précurseurs de la collapsologie, qu'est-ce qu'il propose? Et c'est pareil chez Pablo Servigne, là dont j'ai lu tous les livres là, qui sont parus ces deux dernières années. Qu'est-ce qu'il propose? De chacun construire son abri. Pas un abri anti-atomique, mais un abri où il accumule quelques petites réserves, de façon à préparer le moment où la collapsologie interviendra. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet collectif. Il n'y a plus de politisation de cette affaire-là. Il n'y a plus de politisation du changement de société. Il n'y a qu'un repli individuel. Et donc, ça me paraît être non seulement discutable, pas faux, mais discutable sur le plan scientifique, mais politiquement, c'est une impasse. Vous n'avez plus de projet collectif avec la collapsologie. Vous avez simplement, chacun se débrouille, parce qu'effectivement, il n'y a plus de solution possible, puisque la Terre est finie, est bornée. Oui, mais là, je pense que si c'est vrai, ça ne pourrait être qu'une raison supplémentaire pour construire de nouveaux projets collectifs. Sinon, le repli individuel... J'ai vu que vous leviez la main, vous aurez la parole dans un instant, parce que ce que je dis est très contestable. Mais c'est lié aussi à la question suivante. Je connais très très bien Geneviève Vazan, c'est une très grande amie, et lorsqu'elle a publié son livre... qu'elle m'avait envoyé et dédicacé, elle a écrit donc une lettre à la Terre qui est parue cet automne, vers la fin de l'été cet automne, et moi j'ai fait une lettre à Geneviève Vazan qui a été publiée donc qui a été publiée dans la revue que j'anime pour le Conseil scientifique d'Attaque qui s'appelle Les Possibles, qui est en téléchargement gratuit sur Internet. Donc dans le dernier numéro, numéro 21, le 22 va sortir là, dans quelques jours, la semaine prochaine je pense, on l'a fini. Donc dans le 21 qui est paru cet automne, donc j'ai fait un compte rendu très élogieux de son livre et en même temps lui posant un certain nombre de questions sur ces choses-là parce que Geneviève Vazan, de manière extrêmement fine et avec un sens de la littérature admirable, penche plutôt pour cette idée-là. Et je pense que le concept d'anthropocène a le grand défaut de considérer que l'épuisement de la planète, c'est le fait de l'humanité. Et non, ce n'est pas le fait de l'humanité en soi, c'est le fait de la dynamique du capitalisme. Et pour ça que le concept d'anthropocène, qui est apparu maintenant il y a presque 20 ans maintenant, est contesté aujourd'hui par le concept de capitalocène. C'est-à-dire, et c'est plutôt celui-là que je préfère, parce qu'il faut considérer, et quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, alors pardon, je n'ai pas noté qui l'a posé et qui l'a dit, c'est tout à fait juste, mais c'est peut-être toi, hein, c'est qu'effectivement, le concept d'anthropocène met tous les humains sur le même plan d'égalité. Alors que la responsabilité de l'épuisement de la planète, elle n'est pas égale entre tous les humains et entre tous les peuples et entre toutes les sociétés. Donc c'est vraiment la dynamique du capital qui a fait basculer l'humanité. Alors cette fois-ci, oui, c'est l'humanité entière qui est concernée, mais en termes de conséquences, pas en termes de causes. Et donc le capitalisme, donc, et par la dynamique du profit, a fait basculer l'humanité entière et progressivement tous les habitants de la planète dans cette dynamique infernale qui nous conduit dans le mur. Donc là, il y a un vrai débat, et il est vrai, mais c'est tellement quasiment anecdotique, en tout cas dans les livres, je crois que j'ai lu tous ceux qui les ont publiés, là, les collapsologues, dans leur livre, le mot capitalisme, bon, il est dans les 200 ou 300 pages que constitue un livre, bon, il est prononcé 2 ou 3 fois, c'est vrai. Mais on sent bien que les rapports sociaux, ce qui définit le capitalisme, on dit c'est le profit, mais ce sont les rapports sociaux qui permettent le profit. Or, la question des rapports sociaux, finalement, des rapports sociaux qui structurent fondamentalement nos sociétés aujourd'hui, elle n'est jamais abordée. Et je soutiens la thèse, mais peut-être elle est discutable, et certainement elle est discutable. Je soutiens que la question écologique ne peut pas être séparée de la question des rapports sociaux. Je crois que... Et réciproquement, l'échec des révolutions du XXe siècle, parce qu'il faut en tirer le bilan, l'échec des révolutions du XXe siècle, c'est d'avoir cru qu'en changeant le régime de propriété, donc les rapports économiques, on allait, l'intendance étant domestiquée, mais le reste suivrait. Non, le reste n'a pas suffi, ni en termes de progression de la démocratie, vous voyez les totalitarismes à quoi ils ont conduit, et ni en termes de prise en compte de l'épuisement de la planète. Mais donc aujourd'hui, on est C'est le cœur même de la difficulté de ce début du XXIe siècle, c'est d'essayer de trouver le moyen d'articuler la question sociale et la question écologique, et réciproquement. Et je pense que, alors tu disais là, à la fin, que c'était juste ta remarque, s'il n'y avait pas le non-marchand, le marchand serait sans doute très pénalisé, peut-être même il ne pourrait pas exister. C'est tout à fait juste, mais c'est réciproque. C'est-à-dire que la transformation des sociétés, de mon point de vue, et ça, c'est l'histoire du XXe siècle qui nous l'a appris, et c'est l'échec des révolutions du XXe siècle qui nous l'a appris, cet échec. Le capitalisme pourra un jour être dépassé. Et peut-être même assez rapidement, on n'en sait rien. Hein, tout dépendra des rapports sociaux de force et des verrous qui seront plus ou moins sautés, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire que le marché disparaîtra. Le marché peut rester une institution de la société qui permet d'ajuster les besoins individuels, parce qu'il y aura des besoins individuels. La couleur de ma chemise n'a pas à être dictée par la planification. Par contre, le type d'investissement qu'on va prioriser, ça peut être décidé collectivement, politiquement, par une planification qui a besoin d'être réhabilitée là aussi. Mais la couleur de nos chemises, bon, ou de nos chaussettes, non. Et l'échec de la planification à la soviétique est patent de ce point de vue-là. Et donc, je pense que le marché et la monnaie, dont je vous disais tout à l'heure que l'histoire nous montre que, eh bien, qui a été créée, qui a été inventée bien avant le capitalisme, elle perdurera. Les révolutions du XXe siècle ont cru qu'elles pourraient faire disparaître la monnaie. Mais ça a été un échec. Et Lénine, qui n'était pas un idiot, l'avait vite vu. Donc, il a rétabli la monnaie avec la nouvelle politique économique en 1921. Quand Cuba a supprimé la monnaie, pareil. Bon, ils ont vu que c'était... Bon, on ne supprime pas la monnaie au nom de l'idée qu'elle est intrinsèquement liée au capitalisme. Certes, le capitalisme a besoin de monnaie, mais la monnaie n'a pas forcément besoin du capitalisme. Et pareil pour le marché. Le capitalisme a besoin du marché, mais le marché n'a pas forcément besoin du capitalisme. C'est une implication non réciproque que votre question permet de souligner. Est-ce que j'ai répondu à tout ? Sans doute que non, mais je pense que oui. Une question, ce sera la dernière. Il y a deux mains. Oui, non, il y a trois mains. Il y a une main au fond. Allez, trois mains. Oui, il y a quelque chose qui m'échappe. Dans l'argument sur l'élargissement de l'assiette de cotisation, oui, à plus de 20%, c'est certainement quelque chose que je n'ai pas compris, parce que c'est une proposition qui date quand même. On sait très bien que l'imposition des revenus capitalistiques suscite dans les 6 heures à suivre le ping-pong de décision d'une fuite massive de capitaux. Donc je ne vois pas pourquoi ça revient maintenant dans ce contexte-là. D'accord. Oui, moi, ce n'est pas vraiment une question. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, sur ce que vous avez dit de Paco Servigne, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle, je crois, L'entraide, l'autre loi de la jungle, et dans lequel il met bien au centre, précisément des solutions, les rapports sociaux. Et on s'en sortira qu'avec un projet collectif, précisément. C'est donc pas du tout, on construit sa petite cabane, au fond du jardin, mais dans la campagne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. C'est pareil pour Bolloy aussi. Pardon ? Bolloy, il va revenir à mettre ça à la base logique. Bon, je suis content qu'on ait parlé d'un peu de l'absologie, mais moi je crois bien, oui, qu'on est encore dans une lutte de classe, qui est une classe dominante. Par contre, dans les effondrements possibles, et c'était mon titre au début, les crises, je ne sais pas si cette classe dominante, on sent de plus en plus une trouille et une apathie, c'est-à-dire que je ne sais pas s'ils n'ont pas créé une espèce de monstre dont ils n'arrivent plus vraiment à le maîtriser. Et alors, l'effondrement par l'écologie que nous décrivent les collapsologues, mais l'effondrement par une crise financière dont plus personne ne sait quoi. Enfin, j'ai l'impression que, on entend les gouverneurs des banques centrales, ils appuient sur les boutons, mais ça fait plus ce qu'ils devraient faire. Et est-ce que de ce côté-là, ça ne peut pas s'effondrer, puisqu'en 2007-2008, on a déjà eu belle alerte. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est l'état des choses? Est-ce que ça ne pourrait pas venir de ce côté-là une grosse catastrophe très brusque? Il y avait une question au fond depuis un moment. Ce sera la dernière. C'était juste pour suramender sur ce que disait la madame. Donc je pense qu'il y a une confusion, à mon homme la vie, hein, vraiment. Hein, mais la confusion que vous faites, c'est entre le survivalisme et la pensée que développe Paolo Servi. Donc effectivement, le survivalisme, c'est on se retrouve tous, on essaie de se sauver soi-même et puis on en reste là. Il ne faut pas oublier que Paolo Servi, quand même, vient de l'éducation populaire, vient des milieux anarchistes et la pensée politique, elle n'est absolument pas absente de, de ses réflexions. Et pour terminer, c'est vrai que c'est difficile de manipuler ces notions sur l'effondrement parce qu'on le voit bien dans le public, là, parmi les différentes réactions. On a du mal à jouer avec ces notions. Les économistes, en plus, je pense, ne sont pas le mieux placés pour parler de l'effondrement. Et voilà, donc c'est assez compliqué de manier ces notions. Mais bon, voilà, on en discute entre nous, ça permet de faire avancer. Merci. Bon, merci beaucoup pour ces questions, en fait, qui sont des interventions plus que des questions et qui permettent d'affiner effectivement. Pardon, il y a un problème ? Non. Qui permettent d'affiner effectivement le propos qui peut être toujours un peu abrupt à la première expression, j'en conviens bien, et donc tout ça mérite des nuances. Bon, merci pour cette précision par rapport au survivalisme, effectivement. Bon, et dans les deux ou trois livres que j'ai lus de Servigne, j'ai noté aussi une évolution d'un livre à l'autre. Le premier publié, Comment tout peut s'effondrer, par exemple, était vraiment, de mon point de vue, caricatural. C'était moins vrai pour le suivant, je l'admets, je le reconnais. Donc, merci pour la demande de précision. Il n'empêche que, et vous disiez à l'instant que les économistes ne sont pas les mieux placés pour discuter de ça, vous avez peut-être raison, seulement vous avez vu la réaction de Jean-Pierre Dupuis. Jean-Pierre Dupuis, qui est le philosophe qui a théorisé ces dernières années ce qu'il a appelé le catastrophisme éclairé, dans lequel il montre, avec d'ailleurs un raisonnement un peu alambiqué peut-être, mais sa thèse est qu'il faut penser la catastrophe pour éviter qu'elle n'arrive. Mais il faut la considérer comme quasiment inévitable. Mais justement, si on la pense comme ça, dit-il, eh bien on va pouvoir peut-être l'éviter. Et Jean-Pierre Dupuis a publié un texte à l'automne dernier qui a été publié par la revue électronique que vous avez peut-être rencontrée, qui s'appelle AOC. Vous n'avez pas vu, ça de la pub pour le... c'est un média un peu comme Mediapart, ou pas comme Mediapart, parce que Mediapart est plus journalistique. Là, c'est une revue théorique qui s'appelle AOC. Le sigle, je ne me souviens plus ce que ça veut dire, mais bon, peu importe. Vous tapez AOC sur Internet, vous allez le trouver. Vous tapez Jean-Pierre Dupuis, AOC, collapsologie, vous allez trouver son texte dans lequel... Alors là, par rapport à ce que j'ai dit, c'est trois fois plus ravageur. Hein. Bon, et donc, et Jean-Pierre Dupuis, en plus, est considéré comme l'un de ceux qui ont le plus alerté dans les années, dans les décennies dernières, notamment à la suite de la publication du principe responsabilité du philosophe allemand Hans Jonas. Dupuis a repris cela pour développer ce qu'il appelle donc le catastrophisme éclairé, et il est tombé à bras raccourcis contre les collapsologues dans des termes d'une virulence que je ne me serais pas permis. Bon. Mais bon, ça fait partie de la discussion et c'est normal que vous la meniez avec vos arguments. Une dernière question sur que vous avez posée là, monsieur, au fond. Sur le risque d'effondrement financier, qui est tout à fait réel, qui tient peut-être à deux faits. C'est que, bon, pour sauver les banques de la crise financière qui a éclaté en 2007, les banques centrales ont injecté des quantités astronomiques de liquidités dans la sphère financière, qui n'a servi à rien ou presque rien pour relancer l'activité économique réelle utile, mais qui est allée regonfler les capacités des banques menacées de faillite ou en tout cas de mise en difficulté, et banques centrales qui ont en même temps accompagné cette injection d'une baisse considérable des taux d'intérêt. Et quand les taux d'intérêt baissent, mécaniquement, le cours des titres financiers, notamment des obligations, monte. C'est un mouvement inverse. Quand le taux d'intérêt baisse, les cours des obligations sur les marchés financiers montent, et réciproquement, quand le taux d'intérêt monte, le cours des obligations diminue. Et donc, avec des taux d'intérêt qui sont proches de zéro, il y a donc un risque que la montée des cours des titres financiers s'arrête un jour ou l'autre, et qu'on ait un nouveau clash qui pourrait avoir des répercussions, effectivement, comme vous le dites, des répercussions sur... Attendez, je me note quelque chose pour ne pas l'oublier. Qui pourrait avoir des répercussions sur l'économie productive. Parce que quand il y a un krach financier, le lendemain, vous avez dans la presse, 25 000 milliards de dollars sont partis en fumée. C'est la troisième ânerie de la soirée que je démonte. Il n'y a rien qui part en fumée. Il n'y a que du capital fictif, comme disait Marx pour lui. Et quand les cours boursiers montent, ce n'est pas de l'enrichissement collectif. Quand les cours boursiers montent, si les détenteurs des titres dont le cours monte veulent liquider leurs titres, et s'ils le font tous en même temps, ça chute. Donc c'est du capital purement fictif. Donc ce qui fait que quand il y a une crise financière, ce n'est pas la crise financière elle-même qui est une catastrophe. C'est les répercussions que cela peut avoir, parce que ceux qui les titulaires de titres, les détenteurs de titres, qui escomptaient une plus-value financière mirifique, sont le bec dans l'eau. Et donc, ils peuvent décider de ralentir leurs placements, leurs investissements dans l'économie réellement productive. Et donc, c'est en conséquence que va se produire la catastrophe réelle. Et ce qui s'est passé en 2007, 2008, 2009, ça a été un peu ça, mais qui a été jugulé par le fait que les banques centrales ont pris le relais pour sauver tout le monde de la faillite. Et donc, il y a eu, juste en 2009 ou 2010, selon les pays, il y a eu une chute de la production. En France, on a connu une décroissance en 2009, mais une décroissance réelle cette fois-ci. C'est-à-dire une baisse de la production, une baisse du PIB. Pas de beaucoup, pas longtemps, mais bon. Et on pourrait connaître donc un risque, une déflagration plus importante si les risques se sont accumulés, comme vous le signalez, à juste titre. Maintenant, bon, je vais prendre des précautions pour dire ce que je vais dire quand même, parce qu'il faudra toujours nuancer et ne pas le prendre trop abruptement. Si les capitaux fuient, je crois que c'est vous qui avez posé cette question sur la fuite des capitaux, si on déplace le curseur de la répartition des revenus en faveur du travail. Qu'est-ce que ça veut dire que des capitaux fuient ? Si j'ai des capitaux que je veux fuir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Si j'ai des actions et que je veux fuir, eh bien, il faut que je trouve un acheteur de mes actions. La fuite des capitaux ne pourrait être considérée comme quelque chose de dramatique que si c'était accompagné d'un départ des équipements productifs, de départ des ressources humaines et connaissances, là, oui, ça c'est dramatique. C'est effectivement disparaissaient les connaissances, donc les ressources humaines de manière générale, et puis les équipements productifs. Ça serait une véritable fuite du capital productif. Mais le changement de main des titres financiers, mais on n'en a rien à faire, le changement de main. Ce qu'il faut empêcher, c'est que ceux qui détiennent cela s'approprie une part trop importante de la richesse produite, de la vraie richesse produite. Mais le changement de main, le changement de propriétaire des titres financiers, que ce soit M. Arnaud ou M. Pinault ou M. X, M. Carlos Ghosn, etc., qui possèdent les titres, soit l'un ou l'autre, vous voyez le résultat, c'est la même chose. Et que ce soit un capitaliste français comme Bernard Arnault, ou que ce soit un Walter Buffett comme aux États-Unis, où est l'importance ? L'importance, c'est qu'il faut museler ces gens-là, et surtout museler les stratégies qu'ils mettent en œuvre. C'est ça, je pense, l'important. C'est pas le fait que ça change de main, sauf si ça change de main du privé vers le collectif. Et d'ailleurs, c'est très bon, cette dernière question, parce que... quand le mur de Berlin s'est effondré, quand la vague néolibérale a tout submergé, tous les commentateurs disaient, c'est la fin de l'histoire, rappelez-vous, c'est la fin de l'histoire, et puis on range au musée la question de la propriété. Eh bien, la question de la propriété, elle nous revient en pleine figure. Pas simplement la propriété des moyens de production au sens où on entendait il y a 50 ou 100 ans, mais la propriété des biens communs, le deuxième... de mon triptyque, c'était instituer les biens communs, la propriété des connaissances. Est-ce que les connaissances doivent appartenir à des personnes privées, à des sociétés privées ? Qu'est-ce qu'on dirait si le théorème de Pythagore était privatisé ? Qu'est-ce qu'on dirait si la loi de la gravitation universelle de Newton était privatisée ? Qu'est-ce qu'on dirait si la théorie de la relativité générale d'Einstein était privatisée ? Et s'il y avait un dépôt de brevet sur la théorie de la relativité générale, qu'est-ce qu'on dirait ? C'est ça, la question de la propriété nous revient en pleine figure. Et ça veut dire que sans doute, et ce ne sera pas une main de fer, il faudra réinventer un socialisme qui cette fois-ci serait véritablement démocratique et écologique. Je pense que vous avez matière à discuter dans vos prochaines réunions. Bien.